entièrement indépendante, sans Dieu, sans maître et sans publicité. Vous pouvez prendre une carte d'auditeur afin de garantir l'indépendance du projet Révolution et Liberté ou d'adhérer à l'association Les Amis de Révolution et Liberté sur la boutique de Révolution et Liberté. Votre soutien est précieux. Aujourd'hui, c'est notre 9e épisode. Nous faisons pour la première fois un live avec un enregistrement pour le montage afin de diffuser l'émission dans sa globalité sur podcast disponible sur les grandes plateformes. Pour cette émission, j'ai invité Betty Lashgar, fondatrice du Mali, mouvement alternatif pour les libertés individuelles. Il s'agit d'un mouvement de désobéissance civile au Maroc et est membre du collectif Abolition Porno-Prostitution. Et malheureusement, elle ne sera pas accompagnée par Johanna, la fondatrice du collectif Abolition Prostitution. La vague réactionnaire qui s'abat sur tous les continents se traduit par une contre-révolution libérale. Partout où le conservatisme s'installe, le droit des femmes sont en recul. Dans ce cadre, la pensée conservatrice tente de reprendre le contrôle du corps des femmes sous différents prétextes. Cela vaut pour les pays où l'évangélisme croît d'une façon significative, mais aussi les islamistes et les ultra-orthodoxes juifs et bien d'autres religions. Karl Marx disait que la religion est l'opium du peuple. Léon Trotsky complétera dans une lettre en 1940 envoyée à Burnham en soulignant que celui qui oublie de lutter contre la religion est indigne de porter le nom de révolutionnaire. Dans une période de crise sociale... Et c'est là que mon interphone se mit à sonner. Du coup, dans l'enregistrement, nous avons dû faire une coupure et nous reprenons tout de suite après. Disait que la religion est l'opium du peuple, Léon Trotsky complétera dans une lettre en 1940 envoyée à Burnham en soulignant que celui qui oublie de lutter contre la religion est indigne de porter le nom de révolutionnaire. Dans une période de crise sociale importante où la religion sert de paravent pour cacher la misère et la détresse, une partie du courant progressiste tombe dans le piège religieux. Le caractère laïque qui se définit par la liberté de penser doit se poursuivre par l'athéisme. Il n'y a nul doute qu'un progrès ne saurait être défini par une quelconque approche religieuse. La solution apparaît pourtant assez, il faut en finir avec Dieu. Dans le magazine que nous rédigeons, dont la correction démarrera en mai prochain, nous sommes clairement sur une dynamique athéiste. Rarement avons-nous fallu combattre les cubénis de toute tendance, mais aussi de rappeler que l'emprise mentale que génère la religion. Je le sais très bien puisque j'ai été dans une communauté évangéliste, ce n'est pas moi qui le dis. Cela ne s'est pas forcément terminé puisque j'en ai été exclue manu militari en raison de mon refus d'étudier. Le sectarisme religieux de ces courants témoigne également d'une volonté d'atteindre la vérité absolue. Or, la démonstration que réalise Richard Dawkins est magistrale et rigoureuse. Aucun courant politique ne devrait réaliser une approche religieuse. Dès lors, nous sommes en mesure de critiquer les dogmes et de les analyser en détail. Nous passons du coq à l'âne, mais il s'avère que les luttes féministes, notamment radicales, ont un rôle important pour déconstruire les dogmes patriarcaux et en particulier religieux. La religion reste un poison pour tout le monde, mais en particulier pour les femmes. Ainsi, il ne suffit pas simplement d'agiter le drapeau de la parité pour en finir avec le patriarcat, mais d'aller en profondeur. Et pour cette émission, nous le ferons en trois parties. Tout d'abord les luttes sociales au Maroc, et ensuite la situation du mouvement abolitionniste de la pornographie et de la prostitution, et enfin les différentes convergences des luttes. Et merci. Merci pour avoir complété cet éditorial, puisqu'on a eu un petit problème technique, c'est les joies du live. Du coup, Betty, est-ce que tu peux m'expliquer la situation au Maroc ? Alors, par où commencer ? Alors déjà, je vais me présenter. Donc, je suis la fondatrice et coordinatrice du mouvement alternatif pour les libertés individuelles, qui est un mouvement qui est effectivement né au Maroc, mais qui est un mouvement féministe, universaliste et laïque, qui lutte donc pour toutes les libertés individuelles et qui lutte contre les discriminations, contre le système patriarcal et capitaliste, et qui lutte contre l'inquisition socio-religieuse. Et surtout qui lutte en faveur des, donc, des, en tant que mouvement féministe, des droits des femmes et du droit des femmes de disposer de leur corps, à savoir les droits sexuels et reproductifs en règle générale et pour les femmes en particulier. Ce qu'il faut savoir, c'est que le Maroc est une monarchie absolue de droits divins, donc le droit divin est au-dessus des droits humains. Pour le coup, donc il y a un roi et que le roi est un peu l'équivalent du pape, même s'il n'y a pas dans la religion musulmane l'équivalent du pape par rapport à l'Église. Mais en tout cas au Maroc, le fait qu'il y ait cette monarchie absolue de droit divin, le roi fait un peu office de pape et il a tous les pouvoirs et il est considéré descendant du prophète et il est ce qu'on appelle le commandeur des croyants. Et des croyantes en l'occurrence. Donc voilà, du coup, bah, c'est important de dire que l'islam est religion d'État, on l'oublie souvent. On parle souvent d'islam modéré, d'un pays progressiste et moderniste, etc. Non, l'islam, il n'y a qu'un seul islam, donc c'est le même pour tout le monde. Et il n'existe pas d'islam modéré, donc les lois et les pratiques au Maroc sont issues de la charia. Et comme il a été dit dans l'éditorial, les premières victimes de ces lois et pratiques sexistes et liberticides sont les femmes et les enfants. Et pourquoi nous avons donc créé ce mouvement en 2009 ? Parce qu'il existe beaucoup d'associations, il y a eu beaucoup de révolutions, etc. Il y a eu des militantes et militants, mouvements de gauche, il y a eu des féministes et il y en a encore. Mais il n'y a jamais eu vraiment un mouvement de désobéissance civile. Donc c'était vraiment là-dessus qu'on voulait s'appuyer, voilà, sur vraiment cette pratique de désobéissance civile. Et donc voilà, donc du coup on a cofondé ce mouvement parce qu'on était deux au départ en 2009 et nous organisons des campagnes un peu choc et des actions de désobéissance civile au Maroc, mais pas que, puisque nous collaborons avec plusieurs associations et collectifs un peu partout dans le monde. Et j'insiste sur le fait que c'est un mouvement donc universaliste et laïque, puisque nous considérons que les droits humains et les droits des femmes en particulier sont universels et ne connaissent ni frontières, ni religion, ni couleur de peau, ni nationalité, etc., ni sexe. Et laïque, parce que la religion devrait relever de la sphère privée, c'est une affaire personnelle. Et donc, lorsque nous luttons pour le respect de la dignité des êtres humains et pour les droits humains et les droits des femmes, nous parlons de droit, nous parlons d'égalité, nous parlons de justice, et la religion n'a pas sa place lorsqu'on lutte en faveur des droits humains. Donc voilà un peu une petite présentation. Donc je ne sais pas s'il faut que je dise un petit peu quelles sont les actions menées, je ne sais pas. Oui, est-ce que tu pourrais nous expliquer les dernières actions et les campagnes actuelles? D'accord. Alors, bon, ce que je vais faire, comme quand même le mouvement existe depuis 2009, je ne pourrais pas parler de toutes les actions et de toutes les campagnes, mais je pense que ce serait bien de parler des plus importantes, si je puis dire. Je prends vraiment des guillemets en disant important, parce que tout est important, mais en tout cas celles qui ont fait peut-être grand bruit, en raison du caractère sensible du sujet traité et du tabou. Voilà, parce que c'est un mouvement qui brise les tabous et qui touche à des sujets sensibles. Ben, on est au mois de Ramadan, donc ça tombe bien, puisque la première action qui a fait connaître le mouvement en 2009, c'était une action ramadanesque. Au Maroc, comme je disais, l'islam est religion d'État, la liberté de conscience n'existe pas, et dans nos luttes, la lutte première est la liberté de conscience. Pourquoi ? Parce que nous considérons que c'est le pilier de toutes les autres libertés. Sans liberté de conscience, eh ben, nous ne pouvons accéder aux autres libertés. Au Maroc, il n'y a pas de liberté de conscience, ce qui fait qu'on est de facto de confession musulmane et on est considéré de confession musulmane jusqu'à trépas, ben jusqu'à la mort. Et donc il existe un article de loi qui est l'article 222 du code pénal marocain qui n'est appliqué qu'un seul mois par an, puisqu'il consiste à condamner à de la prison les personnes qui ne font pas Ramadan Et donc c'est pour ça qu'il n'est appliqué qu'une seule fois par an. Donc je vais quand même citer l'article pour que ce soit clair et je vais l'analyser. Donc l'article dit « Toute personne notoirement connue pour son appartenance à la religion musulmane et qui rompt ostensiblement le jeûne en public est passible de prison de 1 à 6 mois. » Et donc que nous dit cet article ? Toute personne notoirement connue pour son appartenance à l'islam, donc, mais notoirement connue comment ? Parce qu'au Maroc, il n'y a pas la religion sur les papiers. Donc notoirement connue, tout simplement par le faciès, par le nom de famille, et parce que de toute façon, tout le monde est de confession musulmane, puisque de toute façon, c'est une dictature religieuse. Il n'y a plus que 2000 personnes de confession juive au Maroc sur 36 millions d'habitants, et d'habitantes. Notoirement connue pour son appartenance à l'islam, donc nationalité marocaine égale confession musulmane, et qui rompt sensiblement le jeûne en public, il est interdit de manger, de boire de l'eau, de fumer une cigarette dans l'espace public ou dans les restaurants qui restent ouverts, etc. Donc voilà, donc du coup c'était notre première action. Qu'est-ce qu'on a organisé ? Un pique-nique symbolique. Enfin, on a tenté d'organiser parce qu'il a été avorté par les autorités. La symbolique de ce pique-nique, c'était de dénoncer, de condamner cet article de loi et d'appeler à son abrogation, bien évidemment, et d'essayer de mobiliser la société civile et l'opinion publique autour de la question de la liberté de conscience et de la liberté de religion, à savoir croire ou ne pas croire ou pouvoir ou changer de religion. En 2009, c'était très avant-gardiste. Donc là, on est en 2021, c'est quelques dernières années, 3, 4 ans, peut-être 5 ans, on commence à en parler, mais en 2009, nous avons été complètement isolés et nous n'avons pas été soutenus, même par les associations de droits humains, etc. Évidemment, notre action a été condamnée par les politiques, évidemment par l'opinion publique, voilà. Mais du coup, c'est quand même une victoire à chaque fois, donc je vais parler des autres actions et campagnes, parce que même si, effectivement, c'est avant-gardiste, donc du coup, on n'est pas soutenu, au fil des ans, ça reste toujours une victoire parce que ça fait son chemin, et du coup, ces questions-là, elles sont dans le débat public maintenant. Donc c'est effectivement à chaque fois des actions, des campagnes avant-gardistes. C'est un mouvement avant-gardiste. Je tiens juste à préciser que le fait que ce soit un mouvement laïque et qu'on le revendique, c'est très mal compris également, puisque souvent on relie le côté laïque du mouvement à l'athéisme. Et donc, du coup, et en plus, qui dit athéisme, du coup, dit haine des religions et des personnes croyantes et pratiquantes. Donc, ce n'est même plus les idéologies, c'est tout de suite vous attaquez les personnes croyantes, vous voulez que toutes les personnes. En fait, on nous renvoie le fascisme qu'on dénonce à tort, en pensant ce sont des actions et des revendications fascistes et qu'on voudrait imposer de façon dictatoriale. Nos idées ou nos choix ou nos pratiques, donc, ce qui n'est évidemment pas le cas. Ce sont toujours des victoires. Donc du coup, il y a eu cette action, mais depuis, on en parle tout le temps, on n'attend pas Ramadan pour en parler. La liberté de conscience, c'est toute l'année, parce qu'on est considéré de facto de confession musulmane au Maroc, et du coup, les femmes sont celles qui pâtissent le plus de ces lois et de ces pratiques qui sont fondées sur le Coran et sur le religieux. Et c'est pour ça que nous avons fait également des droits sexuels et reproductifs une de nos luttes principales. Nous avons été effectivement le premier mouvement à lutter frontalement et sans langue de bois encore une fois et pas dans le politiquement correct pour le droit à l'avortement et pour la liberté sexuelle. Donc au Maroc, il existe des articles de loi qui condamnent les relations sexuelles en mariage, qui condamnent l'homosexualité et qui condamnent l'adultère. Donc cela veut dire que les juges sont dans dans nos culottes, dans nos chambres à coucher. Et donc, nous avons organisé pas mal d'actions et pas mal de campagnes pour dénoncer et demander l'abrogation de ces articles. Encore une fois, ce sont les femmes, par exemple, l'article de loi qui condamne les relations sexuelles hors mariage, ce sont les femmes qui sont victimes de cette loi, bien que ce soit des relations sexuelles dans un désir mutuel et d'un homme et une femme. Eh ben, ce sont toujours les femmes qui sont condamnées et qui sont condamnées pour prostitution. On viendra plus tard sur la question de la prostitution, mais en tout cas au Maroc, c'est très complexe puisque est considéré, sans condamner les femmes en situation de prostitution et sont de toute façon considérées comme prostituer les femmes qui ont des relations sexuelles hors mariage. Voilà, donc par rapport au droit à l'avortement, nous avons organisé beaucoup de campagnes et une grande, grande action en 2012 où nous avons invité une grosse ONG néerlandaise, Women on Waves, pour décriminaliser, dépénaliser l'avortement au Maroc. Il faut savoir qu'actuellement au Maroc, l'avortement n'est autorisé que dans un seul cas, et ce n'est pas du coup une IVG, interruption volontaire de grossesse, mais une IMG, interruption médicale de grossesse. Dans un seul cas, c'est si la santé de la femme enceinte est en danger, et de toute façon, elle ne peut même pas bénéficier de cette IMG si son mari ne donne pas l'accord. Donc voilà, c'est très complexe. Donc nous luttons vraiment pour la dépénalisation de l'avortement, dans tous les cas et pas au cas par cas, pour le droit des femmes de disposer de leur corps. Et donc on a vu organiser de grosses actions avec le bateau de l'avortement de cette ONG néerlandaise, mais très régulièrement, plusieurs fois par an, nous menons des campagnes, etc. Et nous prenons des gros risques parce que nous accompagnons les femmes qui souhaitent avorter. Nous les accompagnons par rapport à l'avortement médicamenteux. Donc là, nous risquons énormément. Je risque énormément parce que je le fais à visage découvert et j'en parle tout le temps, etc. Et donc je risque de la prison comme c'était à l'époque en France, par exemple, avant que la loi n'ait pu changer en 1975. Voilà, donc nous avons mené plein d'actions par rapport à contre l'homophobie, la lesbophobie et la biphobie. Plein d'actions par rapport à la liberté sexuelle et puis plein d'autres actions contre les violences machistes, donc les violences masculines, parce que la loi est très compliquée au Maroc, les lois. Je vais donner un exemple, nous luttons quotidiennement contre la culture du viol et contre les violences sexistes et sexuelles, mais au Maroc, à ce jour en 2021, le viol conjugal n'est pas considéré comme un viol, mais comme un devoir conjugal, le devoir des épouses. Donc là aussi, c'est un long, long, long, long combat, et nous avons organisé beaucoup de campagnes dans ce sens. Des actions de rue, des happenings. Nous avons par exemple coloré les fontaines de la ville de Rabat, la capitale, en rouge, symboliquement pour dénoncer ces violences-là. Quoi d'autre ? Il y a tellement de choses à dire que du coup je vais me perdre dans tout ça. Je voulais parler d'une action aussi très symbolique. C'est l'arrestation d'un adolescent et une adolescente en 2013 pour avoir posté une photo de leur bisou sur Facebook, et voilà, âgés de 14 ans quand même, et qui ont quand même été arrêtés et poursuivis. Et donc nous avons par exemple organisé un kissing face au Parlement à Rabat pour dénoncer cette arrestation, et voilà, ça a bien fonctionné parce que ça a pas mal buzzé, que les médias nationaux et internationaux en ont parlé, et que du coup il n'y a pas eu de poursuite. Mais voilà, c'est pour dire un petit peu tout ce qui se passe au Maroc. C'est vraiment ces atteintes aux libertés individuelles en règle générale, aux droits humains en règle générale et aux droits des femmes et des enfants en particulier. Il faut savoir que les enfants du coup nés hors mariage n'ont pas de reconnaissance juridique, par exemple, et qui sont encore, ces enfants-là, ils et elles, considérés comme des bâtards, entre guillemets, donc du coup, et des enfants issus de la prostitution. Donc voilà, c'est des choses, c'est très très complexe. Et voilà, donc nous on essaye sur les réseaux sociaux comme on peut, et nous sommes qu'un mouvement, nous ne sommes pas une association, donc on n'a pas beaucoup de moyens, de dénoncer, de condamner toutes ces atteintes aux droits des femmes, aux droits humains et aux libertés individuelles. Voilà, mais en mettant toujours l'accent sur le côté droit, parce que ce qui nous diffère et avec les autres associations sur place, c'est de toujours faire appel au côté religieux, de toujours essayer de savoir s'il faut réformer les interprétations des textes religieux, demander l'avis à un imam, etc. Ça, c'est, voilà, c'est pour ça qu'on est un peu isolé. C'est parce que nous, on rejette, d'un revers de la main, une quelconque interprétation religieuse. Et donc ça, c'est très compliqué. Je peux parler, par exemple, de l'égalité en héritage. Donc, dans la religion musulmane, il n'y a pas d'égalité femme-homme dans l'héritage, et pas que. Mais quand il y a débat, et il y a débat au Maroc autour de cette question, on essaie toujours de la retourner, de savoir ce que pensent les religieux, les imams, etc. etc. Alors que la question est simple, elle est, qui se pose, c'est égalité femme-homme, et on n'en parle plus, quoi. Donc, voilà. Donc voilà un petit résumé. Je ne peux pas parler de tout. Hein. Pour 11 ans d'existence du mouvement, c'est un peu compliqué. Mais voilà, je voulais juste préciser aussi qu'on ne fait pas ça qu'au Maroc. On collabore avec plusieurs actions et plusieurs associations et collectifs en Belgique, en France, etc. Moi-même, je suis activiste nomade, donc j'ai cette chance. Bon, là, avec la crise sanitaire, c'est plus compliqué de prendre mon sac à dos et d'aller rencontrer les militants et militantes un peu partout. Et c'est comme ça qu'on met en place des choses. Donc voilà, Mali est un mouvement présent, implanté dans plein de petits endroits. Et puis il y a plein de personnes sympathisantes du mouvement, donc qui sont en France, en Espagne, en Europe, au Canada, etc., dans d'autres pays de la région MENA. Voilà à peu près. Donc s'il y a des questions, ça va plus m'aider, je pense. Et il y a des questions aussi, puisqu'on a une invitée avec nous, et ça peut permettre de retrouver un peu le fil. Et du coup, je voulais aborder la thématique du harcèlement, parce que je pense que concrètement, au niveau des réseaux sociaux, il y a une vague de haine qui est nominative et sur la page de l'association. Est-ce que tu peux me décrire comment ça se passe et comment tu as réagi vis-à-vis de cela? Alors, le harcèlement, ou plutôt même le cyberharcèlement, bon, il a à peu près le même que ce que vivent la plupart des personnes qui sont un peu connues ou voilà, qui luttent à visage découvert et qui ont un peu pignon sur rue. Donc je subis un peu la même chose. Après, oui, la différence peut-être, c'est que c'est vrai que je touche vraiment à des questions, à ces sujets très sensibles, comme je le disais. Et du coup, il ne faut pas oublier qu'au Maroc, par exemple, il y a 60% de personnes analphabètes déjà, que la religion tient une place prépondérante, surtout depuis une dizaine d'années, voilà, je dirais même 15-20 ans. Et donc, du coup, oui, c'est très compliqué pour moi. C'est compliqué quand il y a surtout des actions choc ou des campagnes choc. Là, c'est compliqué. Et des campagnes du mouvement. Mais c'est vrai que c'est nominatif lorsque c'est personnellement moi qui fait quelque chose ou qui dit quelque chose. Donc, je vais donner les deux derniers exemples. Je suis abolitionniste. Donc, je suis abolitionniste aussi de la peine de mort. Le Maroc n'a pas aboli la peine de mort, mais c'est un moratoire. Donc, la peine de mort existe, mais elle n'est pas appliquée. En revanche, on condamne encore la peine capitale. Elle n'est plus appliquée depuis 1993. Et je pense qu'elle ne le sera plus jamais. Je l'espère. Mais en tout cas, c'est vraiment ce chemin-là que prend le Maroc. Mais qu'il y ait condamnation, en revanche, pour nous abolitionnistes, c'est pareil. Condamner, mettre une épée de Damoclès, ça rejoint, voilà, c'est pas abolitionniste. Donc on lutte pour que ce soit l'abolition. Et il y a l'année dernière, en septembre 2020, du coup, il y a eu un pédocriminel qui a été arrêté, qui avait donc violé et assassiné un enfant. Et puis, la majorité de la population marocaine est pour la peine capitale. Et du coup, sur les réseaux sociaux, ça s'est enflammé, l'opinion publique s'est enflammée, des défenseurs et défenseuses de droits humains connus ont quand même demandé la peine de mort pour ce criminel. Et du coup, voilà, ça m'a mise hors de moi. Et du coup, j'ai fait un statut pour... j'ai donné ma position et la position de toute personne abolitionniste en ce qui concerne la peine de capitale et pourquoi l'abolition, etc. Donc, je ne vais pas donner tous les arguments. Je pense que les personnes qui nous écoutent, de toute façon, connaissent les arguments abolitionnistes. Et voilà, donc c'était vraiment argumentatif, etc. Bon, alors là, en quelques heures, j'ai été vraiment, vraiment, vraiment la risée de... Parce que justement, j'ai cette visibilité, hein, parce qu'il y a plusieurs personnes qui ont tenu les mêmes propos que moi, mais qui sont moins connues, qui ont moins de haters, qui ont moins d'ennemis, etc. Et, mais moi, c'était vraiment, j'ai été vraiment celle qui a subi le pire du pire et qui a été donc menacée de mort, et qui en a demandé à ce que je sois condamnée également à mort. Tout était complètement surréaliste, des menaces de viol sur mes enfants, je n'en ai pas, mais voilà, donc c'est dire. Donc voilà, c'était terrible. Ça a duré quelques jours. Voilà, ça c'était insupportable. Et les gens ne se rendent pas compte, quoi, parce que c'est des milliers de messages, c'est des milliers de commentaires, c'est des milliers de mon Facebook est public, hein. Donc de partage, de capture d'écran, peu importe. Voilà, c'est plus sur Facebook, hein, parce qu'il n'y a que 4% de la population marocaine qui est sur Twitter. Donc c'est sur Facebook, c'est beaucoup plus compliqué pour le coup, parce que 40% de la population marocaine est sur Facebook, contre 4% sur Twitter. Voilà, ça c'était un des derniers exemples. Et puis bah là, on est en plein mois de Ramadan, donc je vais citer le dernier exemple de la semaine dernière, qui était une photo de pique-nique à Paris, puisqu'actuellement je suis à Paris, et qui n'était pas un pique-nique par rapport au Ramadan ou par rapport à cet article de loi au Maroc qui condamne les personnes qui ont déjeuné, comme on dit, mais c'était suite à une action abolitionniste de la prostitution, on y reviendra plus tard, et du coup bah, on s'est réunis, enfin, on s'est retrouvés à faire un pique-nique avec les copines féministes. Mais j'ai évidemment, vu que c'est mon compte personnel sur Twitter, j'ai fait un clin d'œil de cet article de loi. Ça fait partie de mes luttes, ça fait partie de mon histoire, et voilà. Donc bien sûr que je suis pour la liberté de conscience, et que pour que les personnes fassent Ramadan ou pas, qu'elles soient d'ailleurs croyantes ou pas, enfin voilà. Et donc j'ai fait un clin d'œil, voilà, à ce pique-nique ramadanesque de 2009. Là, je rappelle, ça n'en était pas un, puisque c'était avec les copines féministes abolitionnistes. Mais du coup, en quelques heures, sur Twitter, je suis arrivée à 10 000 messages d'insultes et de menaces. J'ai dû, pour la première fois depuis que j'ai le compte Twitter, le protéger, parce que c'était allé vraiment trop loin. Mais je veux le dire, et j'insiste, étant donné qu'il n'y a pas beaucoup de gens du Maroc sur Twitter, c'était surtout des personnes en France, donc c'est très inquiétant, et qu'à un moment, il va falloir enlever ses œillères, et enfin, voilà, je vois qu'en France, par peur d'être taxé de raciste, d'islamophobe et je ne sais quoi d'autre, les gens n'osent pas dénoncer cette réalité-là. Moi, je la connais, je suis sur le terrain, j'ai grandi dans l'islam, je maîtrise l'arabe, je connais bien la religion musulmane, je connais le Coran, je suis sur le terrain en Europe et au Maroc et dans d'autres pays, et c'est une réalité qu'effectivement, les personnes religieuses, quelles qu'elles soient, parce que toutes les religions incitent à la haine et à la violence, c'est un fait, et toutes les religions sont misogynes, et ben l'islam ne fait pas exception, et que on est dans des attitudes violentes, dans des propos violents incitant à la violence, voilà, parce que on est les personnes justicières de sa religion, la religion, l'islam, puisqu'on est en train d'en parler, est une idéologie, et comme toute idéologie, on a le droit de la critiquer, on a le droit de la rejeter, on a le droit de la haïr. Donc j'ai le droit de dire aux chiottes les religions, j'ai le droit de dire que les religions c'est de la merde, j'ai le droit, ce sont les religions, comme je pourrais dire n'importe quelle autre idéologie, voilà, le capitalisme, je sais pas, ça peut être tout et n'importe quoi. Les gens ont le droit de dire que le féminisme c'est de la merde. C'est une idéologie, enfin, je veux dire, je, voilà. Et, mais là, voilà, donc ça a été considéré comme une provocation. Alors, une provocation de quoi? Je ne sais pas. D'autant qu'en plus, c'était un pique-nique en France sur l'esplanade des Invalides. Et ce qui a dérangé, c'est que j'ai utilisé le hashtag Ramadan. Mais, comme je le disais, bien sûr que je l'ai utilisé puisque je faisais référence à ma lutte pour la liberté de conscience et contre ces articles de loi, parce que ce n'est pas qu'au Maroc qu'il y a cette loi, hein, il y en a dans d'autres pays, qui condamnent des gens, voilà, c'est du fascisme religieux pur et dur. Et voilà, bah donc là, je suis arrivée à près de 10 000 messages. Quand je dis messages, ce sont quelques messages privés, mais c'était surtout les retweets, les gens qui ont repris le tweet, qui l'ont cité, les commentaires. Et bien, vraiment quelques heures, parce qu'il suffit qu'une personne... Comment ça commence ? C'est quand une personne a beaucoup de followers, en fait. Au départ, c'est un peu noyé. Mais dès qu'il y a une personne qui reprend cette info-là, et elle a des milliers de followers, bon, à ce moment-là, c'est foutu. Et c'est ce qui s'est passé. Parce qu'en fait, le soir où j'ai posté la photo, ce n'est que le lendemain, en début d'après-midi, qu'il y a eu ce cyberharcèlement et cet acharnement. Enfin, les gens qui participent à ça, je pense... c'est flippant parce que c'est des milliers de personnes qui ne se rendent pas compte de ce qu'on fait subir à une autre personne. C'est terrible d'avoir tous ces messages, d'avoir toutes ces notifications, d'avoir ces insultes. Ça passe bien sûr après aux attaques personnelles, c'est facile. Puis je suis une femme, donc le physique c'est encore plus facile. C'est très compliqué. Par rapport à cette photo-là, il y a eu des attaques. Aussi de personnes au Maroc. Donc du coup moi, parce que c'était Twitter comme je le disais, et je veux le dire parce que les personnes, contrairement à ce que les gens croient, les gens qui nous écoutent, les gens pensent que je suis attaquée, persécutée, menacée par les islamistes. Bien sûr que ça arrive, bien évidemment. Ou des personnes d'obédience islamiste, ou voilà, en tout cas les gens pensent toujours au même profil. Que nenni, j'ai envie de leur dire, parce que c'est la gauche marocaine qui m'attaque. Donc il n'y a plus de gauche au Maroc, et je l'ai dit, je l'ai écrit sur les réseaux sociaux, parce que ce n'est pas la première fois. À chaque apparition de Betty, donc moi-même, à chaque action quasiment, une campagne du mouvement Mali, la gauche nous attaque et m'attaque. Personnellement, pour le coup, vu que je suis la personne visible, l'initiatrice de ces campagnes, etc., ben là, ça a été pareil. C'était exactement la même chose. Et voilà, moi, je l'appelle la gauche en carton, qui est censée défendre les droits humains, les libertés, qui passe... la gauche marocaine passe son temps, mais au quotidien, à défendre la liberté d'expression, et à juste titre, bien évidemment. La liberté d'expression, la liberté d'opinion, la liberté de la presse, au Maroc, c'est vraiment leur credo, parce qu'on le sait, au Maroc, la liberté de la presse n'existe pas. Mais voilà, dès qu'on... On fait des choses qui touchent de près ou de loin à la religion ou qui est c'est pas dans le politiquement correct, on va dire. Bah là, tout de suite, on est relégué au rang de paria, de folle, provocation. Elle fait ça juste pour faire parler d'elle. Il y a d'autres priorités. Alors, franchement, entendre des gens de gauche dire qu'il y a des priorités dans les droits, c'est très grave parce que les droits humains sont interdépendants et indivisibles. Donc, il n'y a pas de priorité. Il peut y avoir évidemment des priorités dans des besoins humains, mais pas dans les droits. Donc là les attaques ont été très violentes de la part d'une certaine gauche marocaine, et en général cette gauche marocaine là ne nous soutient pas. Je vais donner un exemple, je parlais de droit à l'avortement. Nous sommes un mouvement, nous n'avons pas de moyens, nous n'avons jamais fait de demande de subvention ou jamais fait de crowdfunding, et une étudiante nous a demandé au mois de novembre, dans le cadre de ses études, si elle pouvait faire du crowdfunding pour le mouvement, parce que c'est vraiment son travail de fin d'études. Elle devait trouver une association ou un collectif pour ça, et qu'elle s'intéressait au droit à l'avortement. Et du coup, elle a monté, en collaboration donc avec le mouvement, un crowdfunding pour le droit à l'avortement, donc pour pouvoir avoir un peu de sous et pouvoir faire des campagnes, etc. Mais surtout avoir ces fameux médicaments, parce qu'on accompagne les femmes avec des médicaments, voilà, les pilules abortives, etc. Et donc pouvoir avoir des sous pour s'en procurer. Et bien la campagne a duré un mois. Il n'y a aucune, et je le dis, et je persiste et je signe, il n'y a aucune association de droits humains ou féministe au Maroc, 01, qui a soutenu cette campagne. Parce qu'encore une fois, ben c'est Mali, et puis il y a cette étiquette, mais c'est la cause. C'est Mali, Mali quoi. Enfin, et voilà, et c'est ce que je reproche à ces assauts de droits humains ou féministes, c'est... Voilà, c'est, on nous dit vous allez trop vite dans quoi les droits humains n'attendent pas, les victimes hein, de ces atteintes, d'atteintes à leurs droits, bah, n'attendent pas, ça c'est vrai, c'est des victimes. Attendre quoi? Pour le droit à l'avortement, c'est pareil. Bah, on nous dit non, mais on va le faire doucement. On va aller, voilà, le cas par cas. On va d'abord essayer de dépénaliser l'avortement pour les femmes et les filles victimes de viol et d'inceste, et pour les malformations, etc. Mais voilà, donc du coup, je voulais quand même préciser, parce que très peu de personnes le savent et se rendent compte que il y a quand même un problème avec la gauche au niveau mondial d'ailleurs, parce que la même chose en France. et bah voilà, et donc cette gauche marocaine qui passe son temps à m'attaquer et qui en oublie qui en oublie les valeurs finalement de la gauche. Donc voilà, donc comme il a été dit dans l'éditorial, enfin voilà quoi, je veux dire, les religions sont quand même des idéologies à problème, c'est une réalité. Donc on n'est pas là pour justement nous imposer aux autres de ne pas croire ou croire. Bah, les personnes, si elles veulent aller à la mosquée ou à la synagogue ou à l'église, très bien. Prier, c'est très bien aussi. Faire un mariage religieux, bah, c'est bien. Mais ne pas imposer aux autres et ne pas oublier ses valeurs et ses principes par peur d'être taxé à chaque fois de raciste, de néocolonialiste, d'islamophobe ou je ne sais quoi. Et on le voit en France. D'ailleurs, j'ai une petite anecdote, puisqu'on parlait de cyberharcèlement. Je ne suis pas politique, je ne m'y connais pas. Donc ce qu'on appelle la politique politicienne. J'interfère pas dans la politique politicienne parce que j'ai pas assez d'arguments et j'ai pas assez de connaissances solides. Tout est politique, on est d'accord, mais voilà. En revanche, quand j'ai vu et que j'ai lu les propos de Jean-Luc Mélenchon concernant les droits des femmes qui ne seraient pas prioritaires par rapport à ce qui se passe, la crise sanitaire, Covid, etc., mon sang n'a fait qu'un tour. Et donc j'en ai fait un statut sur Facebook. Et j'ai été attaquée par une grande partie de la France insoumise. Et j'ai été insultée de tous les noms, alors que je suis d'abord concernée, parce que ce que je disais, c'était les exemples qu'a pris Jean-Luc Mélenchon. Moi, j'ai trouvé ça scandaleux et machiste et sexiste. D'autant que c'était en février. Et en février, Mali a mené une campagne internationale contre les tests dits de virginité et contre le mythe patriarcal de la virginité. Donc on était en pleine campagne, nous, contre ces tests et contre le mythe patriarcal de la virginité, des tests pratiqués au Maroc, et on sait que ces tests sont aussi pratiqués en Europe et ailleurs. Et donc, forcément, je ne pouvais pas ne pas réagir. Et je ne pouvais pas laisser passer ce genre de message où la polygamie est banalisée, les tests de virginité sont banalisés, etc. Ben là, j'ai été cyberharcelée et pour la première fois, j'ai dû bloquer les commentaires publics sur mon Facebook, alors que je ne l'ai jamais fait en 10 ans, quoi. Donc voilà, donc un petit clin d'œil pour la gauche qui se perd, en fait, qui s'est perdue en route et qui s'assoit allègrement sur ses valeurs et ses principes, voilà. On va changer de sujet, puis on s'écoute une chanson. In the cool of the evening, they used to gather, near the stars in the meadow, circle near an old oak tree, at the times appointed, by the seasons of the year, and the phases of the moon, in the center, stood a woman, equal with the others, and respected for her worth. One of the many we call the witches, the healers and the teachers of the wisdom of the earth. And the people grew through the knowledge she gave them, herbs to heal their bodies, spells to make their spirits whole. Can't you hear them chanting, healing incantations, calling forth the wise ones, celebrating in dance and song? Isis star Tatiana, Hecate Demeter, Kali, Inanna. Isis star Tatiana, Hecate Demeter, Kali, Inanna. Isis star Tatiana, Hecate Demeter, Kali, Inanna. There were those who came to power, domination, and they bonded in the worship of a dead man on a cross. They sought control of the common people by demanding allegiance to the Church of Rome. And the Pope declared an inquisition. It was war against the women whose power they feared. In this holocaust against the nature people, 9 million European women died. And the tale is told of those who by the hundreds, holding together, chose their death in the sea, while chanting the praises of the mother goddess, a refusal of betrayal, women were dying to be free. Thématique qui concerne le porno et la prostitution. Donc Betty, comme tu es membre du collectif Abolition Porno Prostitution, tu vas pouvoir nous éclairer sur les différentes luttes qui ont lieu en ce moment et les différents débats aussi au sein du courant féministe. Puisque je pense qu'il y a de la matière à parler, et notamment sur le fait qu'il y a deux versions qui s'opposent, quoi. C'est ça, il y a deux courants, puisqu'il y a le féminisme libéral et le féminisme radical, mais pas que, parce qu'il y a des féministes qui ne se considèrent ni féministes libérales ni féministes radicales, mais qui sont tout de même abolitionnistes. Alors, par où commencer ? Alors, la question de la porno-prostitution est très complexe, mais pour moi, la base, quand même, c'est de ne pas oublier de la lier à la question de la pédocriminalité sexuelle. On oublie bien souvent. Parce que l'âge moyen d'entrée, je mets guillemets à entrée, c'est un peu bizarre, on entre en prostitution, on entre. L'âge moyen d'entrée dans la, on va dire, le système porno-criminel, c'est 12 ans et 8 mois, et dans la prostitution, c'est 13 ans. Donc, on ne peut pas nier, c'est-à-dire que c'est de la malhonnêteté intellectuelle et de la mauvaise foi, que le camp d'en face puisse nier que ce système-là, cette, entre guillemets, industrie du sexe, que le camp d'en face puisse nier que c'est un système sexiste, classiste, raciste, capitaliste, pédocriminel, enfin, c'est une évidence. C'est-à-dire, si on prend la définition de ce qu'est le sexisme, de ce qu'est la pédocriminalité, de ce qu'est le capitalisme, de ce qu'est le classisme, de ce qu'est le racisme, c'est vraiment de la malhonnêteté intellectuelle. Donc pour moi, c'est la base. Ce sont toujours des arguments que je donne. Évidemment, le camp d'en face tourne autour du pot et va trouver des faux arguments qui ne sont même pas fondés et qui sont comment dire, qu'on peut contredire par des faits, par des chiffres. Donc lorsqu'on dit sexiste, on va rester sur la France, hein, on n'a pas le temps de parler de tout, puis j'ai pas tous les chiffres en tête, etc. Mais si on reste sur la France, on va parler de prostitution. 85% des personnes en situation de prostitution sont des femmes, donc c'est une réalité. C'est une réalité mondiale, c'est une réalité française. 99% de la clientèle, entre guillemets clientèle, hein, de sont des hommes, donc des prostitueurs, violeurs. 99% des hommes. Ce sont des faits, ce sont des chiffres, ce sont des réalités planétaires. Donc on ne peut pas nous dire oui, mais il y a aussi des hommes. Mais on n'a pas dit qu'il n'y en avait pas. On a dit qu'il y avait 85% de femmes. Hein. Et qu'on nous dise il y a des femmes dans la clientèle, je viens de dire qu'en France, c'est 1%. Donc, voilà. Et en plus, même dans les 1% de femmes, évidemment hein, qu'on est pour, on est contre, hein, effectivement, enfin, ça veut dire, je le précise tout de même, que les femmes aillent voir des hommes et achètent des services sexuels, mais même dans ces 1%-là, il n'y a pas la domination qu'on trouve quand ce sont des hommes qui achètent ou qui louent le corps des femmes. Donc ça, ce sont des réalités et on revient sur la pédocriminalité sexuelle, puisque si je dis que 85% des femmes, pour rester sur les chiffres français, 85% des personnes sur son prostitution sont des femmes, mais ça veut dire qu'en moyenne, elles avaient quand même 13 ans quand elles ont commencé. Donc, quand des personnes nous disent oui, mais elles sont adultes, elles sont majeures, elles sont consentantes, déjà j'aime pas trop ce terme, donc bon, je parle de désir, donc non, elles n'ont pas de désir, sinon elles ne prendraient pas l'argent, mais alors elles sont peut-être majeures quand vous les rencontrez, bon, pas toutes, mais restons sur cet argument de majeures, mais la plupart que vous avez en face de vous ont commencé mineures, donc vous participez à cette pédocriminalité, à cette culture pédocriminelle, à cette culture du viol. Donc oui, nous abolitionnistes, nous considérons que la prostitution est de l'exploitation sexuelle, est de la pédocriminalité, c'est de l'esclavage sexuel, ce sont des violences sexistes et sexuelles. Autre chiffre, parce qu'on nous dit souvent, oui, mais il y a une différence entre les femmes exploitées sexuellement, victimes de la traite des êtres humains, etc. Ben non. Non. Et surtout, encore une fois, 95% dans le monde, hein, ça c'est un chiffre mondial, 95% des victimes de la traite des êtres humains sont des filles et des femmes, majoritairement à des fins d'exploitation sexuelle. Donc comment ces réalités-là, ces chiffres-là, ne puissent pas alerter alors, j'allais dire, ne puisse pas alerter le courant réglementariste, etc. Mais même l'opinion publique, c'est parce que c'est ça qui fait peur, c'est que l'opinion publique, donc oubliant les militants et militantes pro-prostitution, etc., pendant un moment, qui ont leurs arguments auxquels on n'adhère évidemment pas du tout, on les trouve complètement faussés, etc. Mais c'est que ce qui fait peur, c'est l'opinion publique. Parce que là, ces personnes-là ne connaissent pas le terrain, ne connaissent pas la réalité, mais ça veut dire que quand même, l'inconscient collectif a fait que est considéré comme un métier comme un autre. Et on le voit dans la presse, par exemple. Pour étayer mes propos, la semaine dernière, le 13 avril 2021, la France célébrait les 5 ans de la loi abolitionniste. La France est un pays abolitionniste, il faut le rappeler. Pour les 5 ans de la loi, qu'a titré la presse? Elle n'a parlé que de travailleuses du sexe, travailleurs du sexe et travail du sexe. Sachant par exemple qu'au sein de notre collectif, il y a des survivantes de la prostitution, donc elles sont concernées. Et nous les connaissons, les survivantes, elles sont nombreuses, fort heureusement, et elles dénoncent justement, à juste titre, et elles l'ont vécu, les violences de ce système, et les raisons, elles expliquent bien les raisons du pourquoi la prostitution est une violence sexuelle. Et bien même en donnant la parole à ces survivantes, ou même en relayant nos actions, les médias trouvent encore le moyen de titrer « travailleuse du sexe ». Donc on voit bien là le problème. On a dû alerter d'ailleurs le journal Le Monde, qui a repris une photo de notre action parce que le 13 avril, nous avons effectué une action abolitionniste dans le quartier rouge de Paris, qui est pour nous, du coup, représentative de cette exploitation sexuelle des femmes, de la marchandisation du corps des femmes, réduite à des objets et esclaves sexuels. Nous avons organisé, donc, devant le Moulin Rouge, une action. Les médias en ont parlé, tant mieux, mais il y a encore eu un média, pas qu'un seul d'ailleurs, mais là, donc, j'ai cité un seul média, mais qui, en photo d'illustration, a mis une photo de notre action avec des survivantes, donc elles ne se considèrent pas comme travailleuses du sexe, elles ne sont même plus entre guillemets en activité, elles sont survivantes, abolitionnistes, mais attitrées le visuel, le texte qui accompagnait en tout cas l'image d'illustration, c'était les travailleuses du sexe, c'était devant le Moulin Rouge, etc. Donc c'est en plus c'est une insulte, c'est violent. C'est violent parce que c'est l'usage encore d'un langage des proxénètes. C'est encore une fois, voilà, c'est... Donc la lutte, elle est contre tout un système. Parce qu'il y en a qui nous disent, oui, alors on est d'accord avec vous. Mais dans ce cas-là, il faut lutter contre les proxénètes et le proxénétisme. Mais toutes les travailleuses du sexe, pour reprendre leur langage, ne sont pas sous emprise. N'ont pas de proxénètes, ne sont pas victimes d'exploitation sexuelle, etc. Alors, encore une fois, il y a peut-être 1 ou 2%. Mais même dans ces 1 ou 2%, ce que nous disent et ce que nous apprennent les survivantes, c'est que la majorité des survivantes pensaient, elles aussi, ne pas être sous emprise de qui que ce soit, pensaient aussi être libres, évoquer un libre choix, évoquer également le droit de disposer de son corps, que c'était un métier comme un autre, etc. Enfin, tous ces arguments, voilà. Donc, il est important pour nous de mettre en avant la parole des survivantes. On entend souvent dire « écoutez les concernées ». Mais elles sont également concernées. Donc, silencier la parole des survivantes, c'est participer à tout ce système d'exploitation, c'est encourager finalement ce système et banaliser les violences contre les femmes et les enfants. C'est banaliser la pédocriminalité sexuelle, et je le dis, parce qu'on a souvent été insultés et attaqués en disant « Ouh là là, qu'est-ce que vous dites, vous accusez d'être pédophile pour utiliser leur terme, etc. » Bah, c'est de la culture pédocriminelle, puisqu'on n'arrête pas de répéter que ce sont, pour la plupart du temps, des enfants. Et ce qui est encore plus scandaleux et condamnable, c'est que la presse française, pour rester sur la presse française, parce que c'est récent, c'était la semaine dernière, la célébration de cette loi abolitionniste, c'est qu'une certaine presse donne la parole à celles qui se considèrent travailleuses du sexe, donc, en disant c'est mon corps, je suis libre, etc. Mais que disent ces femmes ou ces personnes en situation de prostitution? Elles disent le plus librement du monde, dans des médias très lus en France, « J'ai commencé, j'avais 14 ans. » Comment est-ce possible? Comment est-ce possible qu'en France, en 2020-21, on puisse laisser des personnes dire « C'est un travail comme un autre. D'ailleurs, j'ai commencé quand j'avais 14 ans, c'était mon choix, c'était très bien. Mais on m'a jamais forcé, etc. » Donc nous essayons de mettre en lumière toutes ces réalités-là. Malheureusement, en face, nous avons un lobby. Nous avons un grand lobby, un lobby proxénète. Comme je disais, c'est un système puissant, un système capitaliste, ça brasse des milliards. Et à notre petite échelle, l'abolitionniste, je ne parle pas du collectif, je parle d'abolitionniste de tous les pays, etc., nous sommes invisibilisés, nous sommes silenciés et c'est très très très compliqué. Mais nous essayons, voilà, vraiment de faire un travail, de collaborer avec d'autres abolitionnistes en France et ailleurs pour essayer de mettre fin à cette exploitation des femmes et des enfants majoritairement, exploitation sexuelle. Je tiens à rappeler que la loi abolitionniste, enfin, les lois abolitionnistes en règle générale, hein, ont permis de ne plus criminaliser les personnes en situation de prostitution. Donc lorsqu'on vient nous dire que cette loi ne sert à rien, que cette loi est contre les personnes prostituées, faux, puisque c'est grâce aux lois abolitionnistes que justement il n'y a, enfin, qu'on passe de, enfin, qu'on abroge finalement un système prohibitionniste, parce qu'il y a une grande différence, et ça aussi les gens ne l'entendent pas. Quand on nous dit, on me l'a dit encore hier, que je voulais mettre en place une police du vice et de la vertu, et qu'on nous renvoie à l'extrême droite, qu'on nous renvoie à l'église, à la morale de l'église, non, la lutte abolitionniste n'est pas du tout une lutte par rapport moralisatrice. On n'est pas dans une, dans un concept de morale, parce que nous sommes pour la liberté sexuelle. Mais l'exploitation sexuelle et l'esclavage sexuel, la porno-prostitution, ce n'est pas une liberté sexuelle. Il y a une contrainte derrière, et la loi est très claire, la contrainte de l'argent déjà. Donc si, quand il y a une contrainte, il y a viol. C'est la définition. Donc on essaye de sensibiliser à ces questions-là, de démocratiser ces questions-là, mais c'est très complexe. Je le vois parce que, voilà, on a parlé du Maroc, vu que je lutte également au Maroc. Au Maroc, c'est la même chose. Les collectifs qui sont nés ces dernières années, donc les jeunes qui ont entre 20 et 30 ans, sont des collectifs qui demandent à ce que la prostitution soit considérée comme un travail comme un autre. Donc on voit bien que c'est un lobby planétaire et mondial, en fait. Et du coup, bah, là, on se retrouve un petit peu, comment dire, en situation de, oui, un peu de fragilité et un peu esselé face à ce grand lobby et à ce système, quoi. Donc voilà, nous essayons de faire comme on peut. Les survivantes font du très bon travail, puisqu'elles sont sur le terrain, elles accompagnent les femmes en situation de prostitution, notamment celles qui désirent en sortir, parce qu'il ne faut pas oublier que 90 à 93% des femmes souhaitent sortir de la situation prostitutionnelle. Il y a des associations qui font du très bon travail à ce niveau-là. Les survivantes accompagnent les femmes justement dans leur parcours de sortie comme on peut, et enfin, en tout cas comme elles peuvent. Donc voilà, donc j'attends que tu me poses un peu les questions par rapport à tout ça. J'ai pas beaucoup parlé de la pornographie, mais c'est de la prostitution tout de même, hein. C'est de la prostitution filmée. Donc en fait, c'est le même principe, et il n'y a pas de porno éthique. Voilà, parce que ça aussi, je te devance si t'allais poser des questions à cette question-là. Mais on entend, il existe un porno féministe, il existe un porno éthique, etc. Bah non, il n'en existe pas. Ça reste quand même de l'exploitation, et c'est, je vais le dire clairement, c'est pour faire bander les hommes. Donc même si on fait avec que des femmes, ça, je l'ai entendu, oui, mais regarde, il n'y a pas d'hommes, c'est que de femmes entre elles. Mais enfin, on sait très bien que la plupart des gens qui regardent, ce sont quand même des hommes, et qui ne regardent pas juste pour dire oh c'est mignon, etc. Enfin c'est de la violence, et c'est de la violence filmée qu'on offre sur un plateau à des hommes violents et potentiellement violeurs d'ailleurs. C'est de la violence purement machiste. C'est de la domination masculine concrète là pour le coup, vraiment. Donc c'est la mise en œuvre en fait de cette domination masculine, de cette domination des hommes sur les femmes, et les femmes sont encore réduites à un produit en fait, un produit de consommation, à une marchandise. Voilà, c'est pas pour rien, et on est très très heureuses et ravies qu'il y a eu la parole qui s'est libérée également, si je puis dire. Moi j'aime pas trop dire la parole qui s'est libérée d'ailleurs, je pense que plus elle a été plus écoutée chez les femmes qu'on appelle actrices entre guillemets porno, par rapport aux violences subies dans l'industrie du sexe, donc ce système porno criminel en France, et qu'il y a des accusations par rapport à Jackie et Michel, Dorcel, etc. Donc voilà, ce sont des réalités, et donc le porno éthique, c'est plus qu'un oxymore, quoi. C'est honteux, C'est comme, enfin, c'est l'esclavage, donc c'est comme si, enfin, on a aboli l'esclavage, on doit abolir l'esclavage sexuel. Donc c'est quand même du travail entre guillemets à la chaîne, hein, pour, voilà, c'est ça. Quand tu dis oui, c'est un travail. Enfin, je sais pas si les gens se rendent compte ce que c'est que d'être pénétré, etc. Par tous les orifices, et qu'on t'éjacule dessus, qu'on n'écoute pas d'ailleurs ce que tu dis, que même si tu dis voilà, bah oui, je veux ça et ça, alors quand tu tournes, soi-disant, donc tu tournes ta scène, on fait autre chose, enfin, et voilà, donc c'est si on abolit l'esclavage, bah, l'esclavage sexuel fait partie, c'est un esclavage, c'est une forme donc d'esclavage, et il n'a jamais existé d'esclavage éthique que je sache. Donc on ne peut pas parler de porno éthique ou d'encadrement de prostitution. Et du coup, les derniers chiffres, on va dire des associations féministes, démontraient qu'il fallait 3,5 milliards d'euros afin de pouvoir sortir, je dirais pas sortir, afin d'abolir concrètement la prostitution. Et on se rend compte que ce chiffre-là, finalement, par rapport au budget de l'État, il est très faible, quoi. Parce que là, on est en période de crise Covid. L'État, il a quand même utilisé la planche à billets, on va dire, en mettant des centaines de milliards sur la table. Mais on voit qu'il y a des décisions politiques, quoi. Parce que concrètement, si aujourd'hui l'État voulait vraiment mettre en place une politique abolitionniste, il le ferait du jour au lendemain, quoi. Eh bien, tout à fait. D'ailleurs, l'une des revendications en France, pour rester sur la France, lors de la célébration donc, de la loi du 13 avril 2016 de la semaine dernière, c'est d'avoir une phase 2 de la loi. Parce qu'en fait, effectivement, là, ça ne va pas du tout. Voilà, c'est très compliqué pour les associations d'effectuer des parcours de sortie. La loi est ce qu'elle est, mais elle n'est pas appliquée partout. Donc voilà, donc est-ce qu'il y a une volonté politique? Ben non, il n'y a pas de volonté politique. De toute façon, il n'y a pas de volonté politique contre les violences machistes en règle générale. Et il y en aura encore moins par rapport à la question de la pornoprostitution. Pour la simple raison que quand on parle de violences machistes, oui, alors bien sûr, il y a des politiques, etc., qui vont dire les violences conjugales, etc., au sein du couple. Mais encore une fois, la prostitution n'est pas considérée comme une violence, puisqu'on parle de libre choix, puisqu'on parle voilà, les partisans et les partisanes de la pornoprostitution se sont accaparés le slogan de mon corps, mon choix, du droit des femmes de disposer de leur corps, etc. Ben non, on ne loue pas son ventre pour la GPA. Ça n'existe. On ne peut pas donner un organe, par exemple. Donc non, il n'y a que totale liberté. Donc si on a réussi à mettre en place des lois claires, éthiques, du fait qu'on ne peut pas donner un organe ou etc., bah c'est la même chose. Donc si on y arrivait, il n'y a pas de raison qu'on n'y arrive pas. Maintenant, c'est encore une fois parce que c'est un système patriarcal, phallocrate, bitocrate, et qui fait que il y a cette éducation qui fait que les filles et les femmes sont à la disposition de mâles dominants. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas de volonté politique. De toute façon, ce n'est pas un secret, puisqu'on sait que la plupart des clients, enfin beaucoup en tout cas, de clients prostitueurs font partie des classes politiques, sont des chefs d'État, etc., etc. Donc c'est très très complexe, puisque ce sont ces personnes-là qui sont censées prendre des décisions. Donc c'est pour ça que tout est lié, que c'est tout un système qu'il faut abolir, et continuer à bien expliquer, à bien mettre en avant le côté raciste, etc. Donc on essaie de le faire avec avec nos petits moyens, à travers des campagnes, et on partage les articles, les études qui sont faites là-dessus. Donc on essaye d'attaquer les militants et militantes antiracistes, parce que dans ce milieu, beaucoup ne sont pas abolitionnistes et ne considèrent enfin, ne voit pas où est le mal. Alors que, quand même, c'est bien un système raciste, puisque d'abord, la majorité des femmes en situation de prostitution en France et ailleurs sont souvent des personnes de nationalité, des femmes de nationalité étrangère, que quand on regarde les sites et les vidéos de films porno-criminels, et ben, les titres parlent d'eux-mêmes, les violences parlent d'elles-mêmes, c'est toujours plus violent, si je puis m'exprimer ainsi, hein, violence, il n'y a pas de plus ou de moins, mais en tout cas, entre guillemets, plus violent lorsque les femmes sont asiatiques, noires ou ce qu'ils appellent beurettes. Les titres de ces vidéos sont ignobles. Voilà, donc je ne comprends pas qu'il y ait des antiracistes, que ça n'alerte pas. Voire même qu'ils se disent, bah non, enfin voilà. Qui se taisent, qui ne voient pas, qui ne peuvent pas se positionner, voilà. Et pareil pour le côté classiste de la chose, enfin, c'est une évidence que quand même la très très très grande majorité des personnes en situation de prostitution, au niveau mondial, ce sont quand même des femmes dans une très grande précarité. Enfin, je vais dire, c'est plus que de la malhonnêteté intellectuelle que de nier ça. Ce n'est pas possible. Et quand on écoute ces femmes, c'est pour ça que le camp d'en face qui dit non, mais on est libre, moi je suis libre. Mais vous êtes combien? Puisqu'on est en train de vous dire que 90% en moyenne veulent en sortir. Et quand on les écoute, elles le disent. Elles disent je le fais parce que je n'ai pas à manger, parce que je ne trouve pas d'autre travail, parce que je n'ai pas de diplôme, parce que je ne sais pas quoi faire d'autre, parce que c'est la facilité. Voilà. On le sait. Je ne sais pas si. Voilà, enfin, on trouverait rarement, je pense, des femmes chirurgiennes, en fait, en situation de prostitution. Je ne pense pas. Voilà, ça peut arriver, hein, mais c'est une exception. Donc on ne peut pas des règles avec des exceptions, hein, donc ce n'est pas possible. Et puis, ça sera de la prostitution de luxe qui est différente, mais qui est aussi une prostitution qu'on veut abolir. Parce que ça, souvent, on nous le dit aussi. Qu'il y a des prostitutions plus éthiques aussi, finalement. Ça revient à la porno-éthique. Et que quand même, quand on peut choisir un homme propre, riche, et aller dans un hôtel 5 étoiles, c'est pas comme faire une passe dans une petite camionnette au bois de Boulogne, etc. Non, mais ça revient au même. Voilà. Mais... voilà, donc du coup, on essaye vraiment d'user de ces arguments-là et de donner la parole aux personnes concernées. Et comme je le disais, ce qui est important, c'est donner la parole aux survivantes qui, de toute façon, pour la majorité, je le dis et le redis, pensaient également, lorsqu'elles étaient en situation de prostitution, être libres. Donc c'est pour ça que quand on nous sert cette carte-là, en disant « mais regardez, la personne, elle dit « je suis libre », elles l'ont pratiquement toutes dit à un moment, en tout cas. Donc voilà, donc on essaye aussi de donner cette parole et puis la parole vraiment des concernés qui ont passé voilà, 20, 30 ans, 40, 50 ans en situation de prostitution et qui expliquent qu'on aurait pu croire que c'était une liberté, mais qu'en fait les 50 ans c'était de l'emprise, voilà. Et il y a plein de mécanismes psychologiques qui entrent en jeu. Je ne l'ai pas dit, mais je suis psychologue clinicienne de formation, spécialisée en criminologie et en victimologie. Donc il y a aussi cet axe-là, psy et tous les mécanismes psychotraumatiques, etc., qui m'intéressent. J'invite d'ailleurs les personnes qui nous écoutent à lire les travaux de Muriel Salmona, qui en parle évidemment beaucoup mieux que moi. Voilà, donc il y a beaucoup de mécanismes qui entrent en jeu. Il y a la dissociation, il y a l'excitation traumatique, il y a le fait que la plupart des personnes en situation de prostitution des femmes en situation de prostitution ont été victimes de violences sexuelles, de pédocriminalité sexuelle, d'inceste. Ce sont des réalités, ce sont des chiffres, ce sont des faits. Et c'est si scientifique tout ça. Il y a des travaux qui sont faits qui expliquent, il y a des études qui sont menées un peu partout dans le monde. Donc, mais comme je le disais au début, c'est voilà, à notre petite échelle, nous avons du mal à visibiliser notre travail, notre lutte, nos revendications, voilà, parce que en face ça ne se suit pas, voilà, je dis les médias, l'opinion publique, voilà, voilà, quand il y a un lobby, quand il y a des informations, je le vois même dans mon entourage, quand je parle de cette question-là, en général, la première chose que vont me répondre les gens de mon entourage, c'est que je n'ai pas de position. voilà, je sais pas, bah, y en a quand même qui le font par choix, voilà, donc quand même. Et quand je dis oui, mais pourquoi, bah, c'est même les personnes, ces personnes-là de mon entourage, donc lambda, hein, ne peuvent même pas argumenter, mais quand même, ça nous parle, parce que la première chose qu'on te dit, une personne lambda qui n'est pas dans cette lutte, il est très rare, voire quasi jamais, elle va dire tout de suite, ah ouais, non, mais moi je suis contre. Je suis contre, c'est de la violence. Non, non, parce que tous les jours, depuis tout le temps, de tout temps, on t'a mis en tête que c'était le plus vieux métier du monde. Mais ça, c'est une arnaque intellectuelle qui est immonde. Immonde. D'ailleurs, le plus vieux métier du monde, c'est sage-femme. Mais enfin, bon, ça, c'était pour la parenthèse. Donc, non, non. La prostitution, ce n'est ni du sexe, ni un travail. Ça ne le sera jamais. Jamais. Et voilà, donc on espère qu'il y aura de plus en plus d'associations abolitionnistes ou en tout cas qui vont avoir le courage de se positionner, parce qu'il y a aussi ça. Il y a également le fait qu'il y a certaines assos ou certaines féministes qui n'osent pas se positionner, comme pour d'autres questions. Hein, comme quand je parlais tout à l'heure un peu de tout ce qui est en rapport avec la religion musulmane, on peut parler du voilement aussi, parce qu'on retrouve un peu les mêmes arguments, son corps, son choix, etc. Et donc il y en a qui n'arrivent pas du tout à se positionner par rapport au voilement des femmes. Je parle bien du voilement et pas des femmes voilées, comme quand je parle de la prostitution, je ne parle pas des femmes prostituées, parce que ça aussi, on a des attaques. Hein, vous attaquez les femmes, vous jugez les femmes, vous pensez à la place des femmes. Non, on attaque un système, on attaque une idéologie, on attaque un symbole, comme le voile par exemple. On n'attaque pas les femmes. Jamais. Donc du coup, bah, y a aussi cela, le fait qu'on a du mal à se positionner sur cette question-là, sur ces questions en général, ça peut être le voilement comme la prostitution, parce que, bah parce qu'en face, c'est plus fort, c'est plus important, parce qu'il y a plein de... parce qu'il y a plein, entre guillemets, d'avantages aussi, il y a des aides, il y a des subventions, il y a plein de choses qui entrent en jeu. Plein, et on l'entend. On entend beaucoup de personnes nous dire « Oui, mais là, voilà, l'organisme de fond à qui je demande, attention, sa position, elle n'est pas claire, soit elle n'est pas abolitionniste, et du coup, voilà. » Mais bah, dans ce cas-là, c'est se plier, se soumettre encore et toujours à la domination masculine et au système patriarcal et c'est ce qu'on essaye d'abolir et de détruire, quoi. Et du coup, tu me parlais, on va revenir un peu plus tôt dans tes propos, tu disais qu'il y avait une phase 1 de la loi et qu'il allait avoir une phase 2. Justement, est-ce que tu peux nous expliquer en quoi ça puisse concerner cette phase 2 ? Bah, comme je le disais, on exige une phase 2 dans le sens où déjà la loi n'est pas appliquée, alors que la loi est abolitionniste. Donc ça veut dire pénaliser les clients, entre guillemets. Mais il y a des départements où non, il y a encore... enfin voilà, ça passe tranquille, c'est pas considéré comme un délit, voilà. Donc ça déjà, voilà. Et puis les parcours de sortie, mais tu l'as dit, il n'y a pas les moyens. Il n'y a pas de moyens financiers, il n'y a pas, donc les associations ne peuvent pas faire leur travail correctement, sont submergées, on ne peut pas accompagner, enfin voilà. Donc si tu ne peux pas accompagner, bah, la personne elle te dit bah, tu ne peux rien faire, mais moi je reste là-dedans. Voilà. Et puis même quand il y a les 300 euros, c'est moins que le RSA. c'est un peu très compliqué, ça, voilà. Donc tu dis parcours de sortie, puis et puis les personnes qui sont en situation irrégulière, donc comme on sait, ce sont plus, il y en a beaucoup, donc voilà, c'est très compliqué, parce que se disent, est-ce que, enfin, ça aussi il faut voir ce qu'on fait avec les papiers, la régularisation. Elles ont souvent peur, donc du coup, d'être expulsées. Donc elles vont préférer rester au moins comme ça. Elles sont en France, elles touche de l'argent, malheureusement, l'argent de la prostitution, etc. Mais au moins, voilà. Mais du coup, il y en a beaucoup aussi qui ont peur par rapport à ça. De dire, voilà, mais si je rentre dans un parcours officiel, voilà, on va savoir que j'existe et que je suis sans papier. Voilà, donc voilà, il y a beaucoup de choses quand même qui sont plus que bancales. Donc, ouais, on s'est réjoui en tout cas de cette loi, mais elle est plus qu'insuffisante, évidemment. Elle est complètement, totalement insuffisante. Tu disais, pardon ? Non, je disais en plus que les femmes qui rentrent dans la prostitution parce qu'elles sont toxicomanes ou qui deviennent toxicomanes parce que c'est intenable, il faut aussi des aides. C'est ça, il faut pas, c'est vrai, merci de le rappeler. Ça aussi, c'est très important lorsqu'on parle de ces personnes, etc., en situation de prostitution, et particulièrement les femmes, vu que c'est là l'écrasante majorité. Voilà, on oublie qu'il y a quand même la toxicomanie derrière, polytoxicomanie, etc. Et d'ailleurs, c'est ce qui les fait tenir, entre guillemets, aussi. Donc quand on dit c'est le libre choix, mais déjà, elles doivent, en général, être voilà, sous. Avoir consommé des produits pour pouvoir aller voilà, supporter, voilà, se dissocier, supporter cette violence, etc. Et puis après, c'est un engrenage, puisqu'après, elles deviennent addictes. Et du coup, elles ont besoin d'argent pour aussi acheter, consommer. Voilà, donc c'est tout ça, c'est un cercle vicieux. Et comment on peut banaliser cette violence-là, qui est aussi la toxicomanie dans son ensemble, l'alcoolisme, etc. Et comme je le disais, pour remettre un peu la réalité, enfin pour que les gens qui nous écoutent voient un peu à quoi ressemble la réalité, c'est que la plupart ont commencé donc à 13-14 ans. Est-ce que ces gens, les gens qui nous écoutent et qui ne sont pas convaincus par le discours abolitionniste, peuvent s'imaginer que donc des enfants de 13-14 ans sont déjà alcooliques, toxicomanes, polytoxicomanes et sont dans des états souvent donc dans les vapes et qu'il y a des hommes qui profitent de cette situation. Et après, c'est pareil à l'âge adulte, etc. Mais c'est clairement du viol. Je veux dire, à quel moment on peut encore avoir un doute? Et je reviens sur les 1 ou 2% qui, machin, c'est le choix, etc. Au-delà du fait que peut-être que dans quelques années, elles diront comme les autres, bah non, finalement, je pensais que c'est mon choix. Donc, supposons qu'il y a 2% où c'est un libre choix. Mais on parle de 98%, là. Donc, on met en avant 2% et on oublie plus de 90% qui sont vraiment, véritablement victimes et qui le savent et qui souhaitent en sortir. Et autre parallèle que j'ai oublié de faire, c'est aller regarder ce qui se passe dans les autres pays. Et que quand on a essayé de réglementer, c'est la catastrophe. Bien sûr, le modèle nordique, qui n'est peut-être pas parfait, mais qui est quand même un super exemple, c'est celui qui a le plus réussi, la Suède, etc. Mais quand on voit ce qui se passe dans des pays comme l'Allemagne, les Pays-Bas, c'est une catastrophe. Et dernier point, quand on croit à tort, ça c'est encore la culture du viol, ce qu'on nous a inculqué, etc., ce qu'on essaie de nous faire croire, que le fait qu'il y ait de la porno et de la prostitution, il y a moins de viol, c'est tout l'inverse. En fait, la culture porno multiplie les cas de viol. C'est une réalité. C'est une réalité démontrée par des études, démontrées sur le terrain, etc. Donc, c'est le travail qu'on essaie de faire. Mais comme je disais, ça serait cool qu'il y ait quand même beaucoup, beaucoup plus de personnes qui puissent contribuer. On le voit quand on partage. Je le vois quand moi, je suis beaucoup sur les réseaux. Quand je partage des informations tristes et dramatiques, hélas, je vois bien que quand je partage quelque chose sur la porno-prostitution, c'est moins vu. C'est moins liké, ce n'est pas partagé, parce que ce n'est pas considéré comme une violence. Alors que si je poste effectivement une fille, par exemple, ou un enfant victime de violences sexuelles, d'inceste, ah oui, féminicide, oui. Mais dès que ça parle de prostitution, non. C'est voilà. Donc ne pas oublier également, pour que ça parle aux personnes qui nous écoutent, que les personnes, les femmes qui ont fait de la pornographie, qui ont été victimes de ce système pornocriminel, beaucoup meurent très jeunes. Ça aussi, c'est une réalité. Ce sont des chiffres. Il y a des conséquences dramatiques, physiques, psychologiques, qui font que soit elles se suicident, soit elles sont assassinées, soit, etc. C'est une réalité. Et en général, elles ont 40 ans. Et leurs films, des films sont encore en ligne, se vendent encore. Donc, on va parler crûment, il y a des hommes qui se branlent sur des mortes et qui sont mortes à cause de ce système porno-criminel. Heureusement qu'il y a eu le mouvement Trafficking Hub. On fait partie du mouvement qui a dénoncé Pornhub, aussi bien le mouvement Mali que CAP. On fait partie de ce mouvement puisque ça a dénoncé des réalités, encore une fois, sur le fait que ce sont qu'il y a beaucoup d'enfants, qu'il y a beaucoup d'adolescents, d'adolescentes qui sont dans ces vidéos et que voilà, qu'on les regarde, que des gens payent, que de l'argent est fait, qu'il y a entre guillemets des vrais viols. Je prends ce terme pour nous, donc de toute façon, ce sont quand même des viols filmés, mais là pour le coup, des viols lambda, j'ai envie de dire, et qui sont, voilà, et les grosses compagnies le savent et ne font rien. Et comme tout ce qui est racisme, tout ce qui est classisme, voilà, tout est sur ces plateformes. Et ça, ça a bien pris. Et ça, c'est une victoire. Que ce mouvement ait pris, que du coup, il y a eu des vidéos. Bon, évidemment, le but, c'est qu'il n'y ait plus du tout de plateforme. Mais qu'on ait retiré des vidéos, qu'il y ait des gens qui boycottent, qu'il y ait, voilà, qu'il y ait des grosses entreprises capitalistes qui boycottent, qui ont, voilà, ces Visa, Mastercard, etc. Quand même. Donc, c'est la première fois qu'il y a eu un mouvement qui a pris autant d'ampleur et qui a pu dénoncer une réalité. Moi, je raconte une petite anecdote. J'ai un ami qui ne voyait pas le mal, malheureusement comme beaucoup, dans ce qui est l'industrie porno-criminelle. Et puis, bah, quand je lui ai montré et que je lui avais envoyé les premiers posts par rapport à ce mouvement et la vidéo qui a été très bien faite sur Pornhub, ça l'a fait réfléchir. Direct. Donc comme quoi, ça a de l'impact. Mais il faut que les gens voient, il faut que les gens s'intéressent, il faut que les gens... C'est ça, c'est le problème. Parce que comme j'ai dit, oui, nous, on partage sur les réseaux sociaux, on essaye d'alerter les gens et tout. Mais c'est quand les personnes sont conditionnées, voilà, elles vont pas regarder. Elles vont dire quoi, qu'est-ce que c'est un truc par rapport au porno, ouais, bon, voilà. Donc du coup, c'est ça. Ça a de l'impact. Donc justement, c'est un peu notre... pour rester optimiste, c'est qu'on voit que quand même, il y a des choses qui ont de l'impact, comme quand on fait rencontrer des personnes, des survivants de la prostitution. Ça aussi, voilà, il nous est déjà arrivé. Voilà, moi, en tout cas, personnellement, pareil, un ami, bon, pas trop de position par rapport à la prostitution. Hop, je fréquente des survivantes de la prostitution, il a rencontré, on parle, etc. Je lui envoie les témoignages... Bah ça a été un déclic. Bon, c'est un parmi, mais c'est voilà, quand même. Donc ça veut dire que c'est possible. Mais il faut que tout le monde s'y mette et tout le monde mette la main à la patte pour faire circuler ces témoignages, faire circuler les chiffres, les réalités, les études qui sont menées. Parce que comme je disais, malheureusement, on fait du bon boulot, etc. Enfin, toutes les abolitionnistes, hein, je ne parle pas que de CAP. Et toutes les études sont traduites en plusieurs langues, les livres sont traduits, mais... Voilà, le camp d'en face est trop fort et donc les gens ne... Enfin, c'est pas une question d'accès parce qu'on essaie de leur donner accès à tout ça, mais à ces informations-là, c'est voilà, le fait d'être déjà conditionné et c'est très compliqué en fait de déconstruire, voilà, chercher le terme. C'est ça. Jeunesse qui est bénie dans le... La propagande, sachant que maintenant avec les nouvelles plateformes, les nouvelles applications pour le jeune, enfin, c'est banalisé. Et ça aussi, on ne comprend pas que ça ne choque pas. C'est-à-dire qu'il y a des travailleuses du sexe, quand même criminelles, on travaille du sexe, hein, pour reprendre leur terme, leur expression, et qui sont sur les réseaux sociaux, et qui ont en face des ados, donc mineurs, qui leur disent « moi j'ai envie de faire ça » et tout. Mais elles ne les alertent pas. Au contraire, elles vont peut-être leur dire, bah attendez peut-être un ou deux ans, ou alors faites attention de ne pas vous faire prendre, mais comment ça? Mais elles sont adolescentes. C'est terrible. Et voilà, donc on peut parler de tellement de choses, il y a la plateforme OnlyFans, il y a, voilà, donc c'est la crise sanitaire n'a pas aidé, puisqu'il y en a beaucoup qui avaient besoin d'argent et qui voilà, qui ont fait des espèces de webcams, etc., se déshabiller. C'est intéressant ce qui s'est passé en Allemagne, ils ont tout été mis à la porte, alors qu'il y a eu le chiffre a doublé, oui. Ils ont tout été mis à la porte des des maisons. Elles sont closes, hein, et elles se sont retrouvées sans rien, quoi. Voilà, oui, oui, non, parce que ça, c'est... Elles sont là pour... elles peuvent attraper le sida, elles peuvent être tabassées, elles peuvent être violées, mais par contre, on voit tout de suite les soi-disant protecteurs proxénètes. Donc, ouais, le lobby en face est un lobby proxénète, clairement. Donc, on nous menace en nous disant, oui, vous nous qualifiez de proxénète, voilà, diffamation, on va porter plainte. Ben non, c'est... insulté c'est... putophobe. Oui, insulté. Alors, c'est aussi l'insulte suprême de putophobe. Alors que, justement, comme je le disais, de toute façon, on ne parle pas des femmes. On parle d'un système qui exploite les femmes. Donc, on... Au contraire, on est là pour essayer d'aider toutes les femmes, les accompagner, et qu'en plus, comme on disait, bah, beaucoup sont survivantes. Donc elles connaissent encore des femmes qui sont encore là-dedans. Elles ont malheureusement pour certaines perdu des amis. Hein, faut pas oublier, je parlais tout à l'heure de la pornographie, mais qu'il y a quand même les prostituées, les femmes sur pression qui sont assassinées. Contrairement à ce que veut nous faire croire le lobby proxénète, ce n'est pas la loi qui tue. Que je sache, ce sont des hommes. Hein, une loi ne tue pas, c'est une loi, ça veut rien dire, une loi, ça, c'est voilà, ce sont des hommes, ce sont des personnes avec leurs mains, avec une arme, donc voilà, donc peut-être qu'il faut arrêter de retourner les choses contre nous, parce que le lobby proxénète dit que l'abolition tue, que la loi abolitionne tue, que ce sont les abolitionnistes, les féministes abolitionnistes, donc nous qui tuons, non, on tue personne, que je sache, à ce jour, ce sont des hommes. La manipulation, elle est client ou proxénète. La manipulation, elle est énorme, parce que demander à des femmes en situation de prostitution, donc qui ont encore un proxénète, qui ont des menaces, c'est quand même une très grande majorité, à ces femmes-là, de dire, alors que déjà, pour s'en sortir, c'est très compliqué, elles ont des problèmes psychologiques, des traumas, elles sont souvent toxicomanes, et en plus, elles peuvent être menacées. Les survivantes, des fois, sont obligées de cacher toute leur vie, leur identité, parce qu'elles peuvent être retrouvées par un proxénète. Ça me rappelle deux choses. Par rapport à ce que tu dis, je rebondis. La première, c'est quand on dit justement, on voit souvent les mêmes survivantes prendre la parole. Je rebondis après l'a dit. Bah, si on voit toujours les mêmes survivantes, c'est parce que la plupart ne peuvent pas. C'est impossible. Elles ont, même quand on leur dit perruque, etc., mettre des filtres, non, changer la voix, c'est pas possible. Elles ont une épée de Damoclès sur la tête, elles n'ont pas envie d'être reconnues, etc. Et ça, c'était la première chose. Et la seconde chose, c'est quand les gens nous disent oui, mais un client, ou voir des gens qui ont déjà été, donc voir des femmes en situation de prostitution, dire oui, mais moi, quand j'ai vu cette femme, ou quand un ami m'a dit que la femme, elle avait l'air de vouloir, quoi, d'être libre. Mais est-ce que sincèrement, une femme qui est sous emprise, et surtout si elle a un proxénète, elle va dire, ça arrive, heureusement que ça arrive d'ailleurs, mais elle va dire à son client, aide-moi, sors-moi de là, non, je ne veux pas, c'est pas possible, parce qu'elle sait très bien, et on le sait, enfin, il y a plein de documentaires faits à ce sujet, il y a plein de films inspirés de faits réels, et qu'on peut trouver sur Netflix d'ailleurs, pour ne pas faire de pub, mais comme tout le monde a Netflix, eh ben, il y a plein de films et de documentaires qui parlent de ça. J'invite les personnes qui nous écoutent à regarder les documentaires sur Netflix, voilà, je demande, c'est pas compliqué, quand on dit oui, mais je sais pas où je vais trouver les documentaires, les films, Netflix, tout le monde a Netflix. Et enfin, presque, là, il y a des films, des séries, des documentaires qui parlent de ces questions-là et qui donnent la parole aux concernés. Et c'est la réalité des faits. Donc, voilà, vous ne voulez pas aller regarder les chiffres, regarder je sais pas quoi, lire des livres, Netflix. Et je pense que là, c'est quand même, ça serait vraiment plus que de la malhonnêteté culturelle, j'allais dire, intellectuelle, ce serait criminel que de ne pas voir cette réalité-là. Diffusée dans ces images. Et puis concernant les clients, moi je repense à l'affaire Ségresse, qui est la petite jeune gamine de 13 ans qui était prostituée à Vincennes et qui avait plus de clients parce que justement tous les clients violeurs identifiaient très bien qu'elle avait beaucoup, elle était très très en dessous de 18 ans et de 16 ans. Quoi. Donc si on ne veut pas reconnaître qu'il y a un problème de masculinité toxique et d'une violence incroyable, c'est-à-dire que ces hommes-là allaient la voir parce qu'ils voyaient que c'était une enfant. Oui, j'ai oublié de le préciser, justement, en parlant de système pédocriminel, c'est parce que, effectivement, la pédocriminalité sexuelle et la culture pédocriminelle est, hélas, une réalité, et que, de toute façon, les clients prostitueurs violeurs, que ce soit dans la prostitution ou dans la pornocriminalité, veulent toujours ce qui est les enfants, les filles plus jeunes, je me permets cette expression, la chair fraîche. Donc ça veut bien dire que nous sommes voilà, déconsidérés, que les filles, les femmes, les enfants, ce n'est rien. Et on le voit d'ailleurs quand on demande aux femmes de se déguiser en petite fille, en écolière, et ça c'est banalisé, parce que quand on voit les films à caractère donc pornographique, pornocriminel, on voit bien que la majorité, que c'est ça, c'est, on se déguise en écolière, mais ça ne choque pas ça les gens, ça ne choque pas les gens de se dire qu'il y a des femmes adultes, parce que le fantasme pervers et criminel de certains, c'est d'avoir une petite fille. Oh ! Et sans parler des films aussi, tout aussi glauque, où la femme doit jouer le rôle de la propre fille. Là, c'est l'inceste. Voilà. Donc, alors moi, les discours honteux, scandaleux, criminels de c'est de la fiction. Ah oui, parce que ce sont des arguments aussi. Ah oui, mais un mec dans un film qui tient un revolver et qui tue, il tue pas vraiment. Le sang dans les films, c'est du faux sang. Donc là, c'est faux. Bah non, là, c'est pas faux déjà. Parce que là, voilà, c'est ça. Il y a des vraies pénétrations, des voilà, éjaculation faciale, des sodomies, etc. Non. Ça, ce n'est pas de la fiction. C'est vraiment, voilà, c'est de la réalité. Et il y a un excellent petit film d'une campagne de Oser le féminisme. Parce que quand on nous dit c'est un travail comme un autre, j'ai tendance à dire, bah, je ne sais pas pourquoi il n'y a pas de CAP, BEP, BAC, etc. Sachant qu'en plus, ce serait comme par hasard le seul métier, entre guillemets, où il n'y a pas besoin de formation, et le seul où il faudrait commencer de plus jeune âge. Tu peux contracter le HIV, être tabassé. Mais il faut être jeune. Il faut être jeune, etc. Et sans expérience, ça passe encore mieux. Alors voilà, donc c'est assez... juste comme si le corps humain des femmes était adapté à 10, 15, 20, 100 pénétrations par jour, quoi. Oui, mais c'est pour ça que les conséquences physiques... Voilà, les conséquences physiques sont quand même dramatiques et sérieuses. Hein. Les déchirements, les infections, les hémorragies... Enfin, c'est quand même une réalité. Oui, donc, Oser le féminisme... c'est un petit film qu'elles avaient fait, je ne sais plus en quelle année, et qui explique exactement ce que j'ai dit. C'est que, bah, on voit une adolescente avec ses parents aller voir la conseillère d'orientation, et la conseillère d'orientation propose un CAP ou un BEP, prostitution ou je ne sais plus quoi, avec une option fellation. Voilà. Et donc c'est très bien fait parce que, voilà, et puis le langage est important, on n'en a pas parlé. Et on voit que dans le langage sexiste, dans toutes les langues, c'est misogyne, et c'est tout le temps cette référence justement aux putes, entre guillemets. Il y a une inversion. Exactement, et du coup, ce sont les putes qui sont, comme dans les systèmes prohibitionnistes, au Maroc, j'en ai pas parlé parce que je l'ai dit en début d'émission que c'était différent, hein, vu qu'avoir des relations sexuelles hors mariage, c'est déjà être prostituée. Et bien donc, au Maroc, comme dans d'autres pays, ce sont les prostituées qui sont les coupables. Et c'est pour ça que c'est notre différence avec l'Église et la morale, quand on nous dit extrême droite, morale, etc. En général, ces gens-là considèrent les femmes comme coupables et comme des traînées, comme des... voilà. Ce qui n'est donc évidemment pas notre cas, puisque l'abolitionnisme a demandé à ce qu'on ne criminalise plus les prostituées. Les femmes, ce sont prostitution. Et donc, j'en perds le fil, qu'est-ce que je disais? Oui, là, le petit film. Tu disais que le vocabulaire... Voilà. Et donc, du coup, encore une fois, dans le vocabulaire, ce sont les femmes en situation de prostitution qui sont... qui sont dénigrées. Les prostituées et les clients violeurs sont complètement déresponsabilisés. C'est ça, complètement. Alors qu'il s'agit d'un crime. Voilà. Contre les femmes qui participent, qui dit que toutes les femmes vulnérables sont potentiellement prostituables, surtout si elles sont de classe économique, étrangère, etc. C'est juste un système archi violent, tyrannique, fasciste. En fait. Voilà, et le fait que le camp d'en face nous dise bah non, tout va bien, le veulent, ça m'était comme un autre, bah non, on vous le prouve par le langage. C'est comme si c'était, donc c'est l'insulte suprême, ce sont voilà, et c'est fils de pute, et l'autre c'est une pute, et pute, plus, et pute. C'est souvent anarchiste, de gauche, antifasciste, mais pour la réification. Ouais, et anticapitalisme, alors que acheter, voilà, c'est ça. Mais alors là, pour nier le fait la marchandisation du corps, voilà. Les gens de ces femmes sont d'origine étrangère, et les laisser complètement à la merci de proxénètes qui les trafiquent comme des marchandises, là, Voilà, donc soudainement, la marchandisation du corps. En plus, ils veulent museler les abolitionnistes par tous les moyens, avec des méthodes qui, pour moi, sont tout à fait fascistes. En fait. Et là, je pourrais rebondir sur notre action du 7 mars, qu'on a faite à République, la veille du 8 mars, donc, et qui était une action abolitionniste avec des survivantes. On a grimpé sur la statue, j'allais dire, de la liberté. mais c'est ça, libération des femmes. Donc, statue de la République avec des slogans abolitionnistes par rapport à la porno, prostitution, Jackie et Michel. Et là, on a été attaqués par le camp d'en face. C'est très grave parce que nous, et je tiens à le dire, on ne les a jamais attaqués. Pourtant, pourtant, on sait quand est-ce qu'ils sont là, on les voit, on va pas aller. C'est pas, on peut pas être violent, c'est pas une méthode. C'est pas une méthode d'attaquer avec une violence physique, en plus de verbale, physique, nos ennemis idéologiques, nos adversaires idéologiques. Ça n'existe pas. Ce n'est pas ça un débat. On lutte contre toute forme de violence, ce n'est pas possible. En revanche, elles et eux, oui, viennent à nos actions, à nos rassemblements pour nous insulter, nous attaquer physiquement et saboter le rassemblement, etc., etc. Et cyberharceler en ligne et donner nos noms, nos visages. Enfin, c'est l'appel à la haine et à la violence. Enfin, c'est l'incitation au meurtre que de faire ça. Les proxénètes n'ont plus besoin de personne. Il y a des gens qui font leur travail. C'est ça, qui font le travail à leur place. C'est scandaleux, quoi. En plus pour les droits humains. Quoi. Oui, c'est ça. Et qui sont convaincus pour certaines, hein, parce qu'il y a beaucoup de gens très très jeunes et qui ont été complètement, à mon avis. Voilà, il y a beaucoup de jeunes. Complètement lavé le cerveau, qui sont convaincus. Il y a des mineurs. D'être dans le camp du juste, quoi. Il y a des mineurs. Sans aucun recul, parce que c'est, je veux, des mineurs et ces jeunes filles ou ces jeunes, s'ils tombent dans le système prostitutionnel, combien de personnes s'en relèvent, quoi. Bah, c'est de la pédocriminalité, ouais. Et ça, on l'a vu. On l'a vu lors de nos actions. Des mineurs sont là avec ces groupes-là. Ouais. Les médias ont aussi un rôle à jouer. Les médias, quand les médias partagent leurs documentaires, leurs reportages sur le, entre guillemets, travail du sexe. J'en ai déjà parlé tout à l'heure, voilà, déjà les mots sont importants, donc on véhicule ce message que c'est un travail. Mais il y a des documentaires ou des reportages qui sont faits avec des mineurs en situation de prostitution. Et c'est marqué « travailleuse du sexe ». Travailleuse du sexe ? Des mineurs que vous avez filmés ? Mais normalement, ça doit tomber sous le coup de la loi. Et puis en plus, c'est de la pédocriminalité sexuelle, vous mettez les travailleuses du sexe mineur, c'est marqué en titre. C'est scandaleux. C'est qu'on est dans une période où on n'arrête pas de dénoncer des personnalités publiques connues qui sont des pédocriminels, qui sont des violeurs. On n'arrête pas de dire qu'une femme, par exemple, qui subit des violences conjugales, elle est sous emprise et que même quand elle va au commissariat, c'est très compliqué déjà de déposer une plainte. Qu'est-ce qu'on imagine pour les femmes en situation de prostitution ? C'est d'une malhonnêteté. Là aussi intellectuelle qui est sans pareil. Qui est hallucinante. Et en plus, donc, il y a tous les médias, tu parlais des médias, Betty, mais bon, on est dans une société où quand même le porno a fait prospérer des chaînes comme Canal+. On voit tant de personnalités politiques, on irait une liste longue à l'infini de personnalités impliquées dans des Maznev, des écrivains, des politiques. Et qu'est-ce qu'on s'imagine que les femmes en situation de prostitution vivent, en France, vivent, en fait. De l'intérieur, voilà, qui n'est pas inquiété, voilà, qui est ministre. On a deux horreurs en ce moment, voilà, au gouvernement, de monstres de misogynie. Et qu'est-ce qu'on s'imagine que ces femmes, que ces femmes vont vivre, quoi. Déjà, n'importe quelle femme qui a eu un vécu... le nombre de femmes agressées en couple par un conjoint, par un membre de la famille, il y a un enfant sur cinq, c'est ça les chiffres, un enfant sur cinq. Donc qu'est-ce qu'on s'imagine? Comment peut-on imaginer que ces femmes-là pourraient être en sécurité où que ce soit dans un système qui est déjà un système de domination? C'est pas effectivement du sexe, le but c'est de dominer et aussi c'est un message envoyé à toutes les autres femmes, en fait, la prostitution et le porno, c'est ça, n'oubliez pas que vous êtes potentiellement des choses, des marchandises, et sous notre domination. Voilà. Et si vous avez trouvé un peu plus de place au niveau social dans la société, par le biais professionnel, on vous le rappelle, par le biais de la violence sexuelle, qui n'est pas du sexe, mais qui est de la domination. On vous rappelle que votre place, elle ne sera jamais partout, parce qu'on fera en sorte de vous casser. Je rebondis sur une affaire, parce qu'on a parlé de la gauche, là, et j'en avais parlé tout à l'heure, une affaire qui s'est déroulée au Maroc. Donc on va laisser la question de la prostitution entre parenthèses, parce qu'elle est plus complexe sur le terrain marocain, en raison de la loi dont j'ai parlé, qui criminalise les relations sexuelles en mariage. Mais là, il y a eu une affaire d'exploitation sexuelle et de traite des êtres humains. L'accusé est un élu. C'est un élu, c'est un homme de pouvoir, c'est un homme d'affaires. C'est le vice-président de la chambre du commerce de sa région. Il a donc, comme s'il est homme d'affaires, il a donc une entreprise de nettoyage. Qui dit entreprise de nettoyage dit que la plupart des personnes qui travaillent dans cette entreprise de nettoyage sont des femmes. Donc pour aller faire le ménage, etc. Et donc il a agressé sexuellement, il a exploité sexuellement, il en a fait de la traite quoi, des femmes. Il y en a 11 qui ont porté plainte, on suppose qu'elles sont plus nombreuses. Donc déjà, oser porter plainte, 11 femmes au Maroc, dans un pays en voie de développement, c'est-à-dire qu'en général les femmes qui font ce travail-là sont dans une situation de grande précarité, ont besoin de ce travail, ont besoin d'argent, sont souvent issues de milieux socio-économiques donc faibles, souvent analphabètes. Donc le courage de ces femmes-là, le mouvement Mali donc, encore une fois, a été le seul à alerter, et ce n'est pas faute d'avoir alerté comme j'ai pu, je dis « je » parce que c'est moi qui coordonne, etc., les campagnes, les communiqués de presse et tout ça. La presse en a parlé, certaines presses en Maroc, mais très très peu, donc c'est dire, voilà. Et les associations féministes étaient aux abonnés absentes. On parle bien d'un dossier d'exploitation sexuelle, traite des êtres humains, et je n'ai pas précisé, qui a été classé sans suite. Aucune association de gauche des droits humains féministes n'a pris part. J'ai fait des statuts, on a alerté. Il y a eu des médias en arabe, des médias en français. Et là, on est en plein dans ce que je disais, dans un système patriarcal, dans une justice sexiste, une justice complice, une justice corrompue. Ah oui, l'homme puissant, les femmes, ça va pas. Une justice sexiste, comme je disais, et une justice classiste. Enfin là, tout y est. Il ne manque plus que le racisme. Le racisme de classe, en tout cas. Voilà. Et hop. Et puis, voilà. On n'en parle pas. Pourquoi? Parce que bah, c'est un système dominant. C'est dominant, et donc les associations, on n'a rien vu, on n'a rien entendu, on n'a rien à dire. Et je le sais de source sûre, puisque les journalistes qui m'ont interrogé, pas tous ni toutes, mais quelques journalistes m'ont dit, quand j'ai dit oui, mais enfin, c'est donc toujours moi, et il n'y a que Mali. Et il y en a qui ont eu le courage de me dire, mais on a contacté des assos, elles ne veulent pas. Elle ne veut pas se mouiller, elle ne veut pas en parler, avec toujours une raison complètement farfelue. On n'est pas au courant du dossier. Ben moi non plus, je ne suis pas au courant du dossier. Je sais juste qu'il y a cette affaire qui a été classée sans suite. Il n'y a même pas eu de procès. Donc déjà, tu ne connais pas le dossier, moi non plus. Donc moi, je crois les victimes, je crois les survivantes. Elles sont 11 en plus, et je suis sûre qu'il doit y en avoir plus. Et puis, ça a été classé sans suite, surtout. Donc, ce n'est pas comme s'il y avait un procès, et là... à la limite, et je prends des pincettes, je dis bon bah c'est comme ça, j'y peux rien, il a été innocenté. Ah non, là c'est même pas ça, c'est qu'il n'y a rien eu, c'est hop, on a pris le dossier, on a dit tout ça c'est n'importe quoi, voilà, typique de cette culture masculiniste, viriliste, l'accusé a dit que c'est parce qu'il était, qui prouvait qu'il n'avait jamais rien fait parce qu'il était impuissant. C'était ça le motif avancé par l'avocat. On voit pas trop ce que l'impuissance vient faire là-dedans, parce qu'on peut être impuissant et agressé et violé. Enfin, il y a violé autrement. Voilà. C'est vraiment j'en ris, mais c'est un rire jaune quoi. C'est un sketch en fait. Faire une fellation. Donc voilà. Donc du coup, tous les exemples là qu'on a donnés. Démontre qu'on est face à une machine, c'est pour le compresseur quoi, qui enfin vraiment l'oppression des femmes à son paroxysme. Et en plus de toutes parts, parce qu'à l'inverse, quand t'as des personnalités engagées qui sont contre le régime à juste titre, mais qui se retrouvent être des agresseurs, il y a toute la gauche humaniste du Maroc, mais on retrouve des choses similaires en France, qui tout d'un coup oublie totalement. C'est vrai. Alors, c'est vrai que je n'en ai pas parlé. Et il y a là, effectivement, comme j'ai dit tout à l'heure, là, en parlant d'ailleurs de la gauche marocaine qui a la liberté de la presse qui est bafouée au Maroc, c'est une réalité, hein, la liberté d'expression. C'est un régime dictatorial. Alors, là, il y a, voilà, je l'ai toujours dit et je l'ai toujours dénoncé et je n'ai jamais eu peur de le faire. Donc, les journalistes ne peuvent pas faire leur travail. Il n'y a pas de journalisme indépendant. Tout ça, on est d'accord. Et là, il y a des journalistes indépendants qui ont été soit accusés, condamnés, soit qui sont là accusés, qui attendent voilà, leur procès, pour violence sexuelle et pour viol. Et donc, on entend toute cette gauche dire que c'est une machination, que, etc. Et donc, on est en plein dans la culture du viol. Et on fait encore passer la lutte contre le régime. Et je te dis, je lutte contre le régime marocain, et je l'ai toujours dit, mais bien avant les droits des femmes, etc. Parce que notre ennemi premier et juré, c'est le régime marocain. Et en plus de ça, comme c'est notre ennemi, eh ben on est persuadé qu'il a monté de toutes pièces ces histoires de viol et de violence. Ben non, non, on le sait. Moi, je suis dans le milieu militant marocain, je les connais, ces hommes. Et je connais les militants et les journalistes violeurs-agresseurs comme on en connaît ici. Et puis, c'est repris en France avec la complicité des médias français qui font semblant de pas c'est du ça. Tout... voilà, qui ont d'ailleurs participé aux mêmes choses en France, voilà. Que ce soit d'un bord ou de l'autre. Donc, les histoires dont je parle qui se déroulent au Maroc sont relayées en France par des ONG et par des médias, mais qui disent, non, mais quand même, on muselle la presse marocaine, tel journaliste... Des ONG et... de droits humains. Comme Médecins du Monde, qui sont juste à côté de réseaux de prostitution voilà, nigérienne et qui sont réglementaristes et qui prétendent que que l'exploitation, c'est, enfin, que la Médecins du Monde, Amnesty International, ils se prétendent des droits humains, mais quand il s'agit des femmes les plus précaires et en plus Médecins du Monde n'ont aucune excuse, ils sont juste à côté. Donc la traite humaine, ils la voient. Ils arrivent à affirmer que c'est un travail comme un autre, quoi, et à toujours être à côté du STRAS, enfin, qui est un syndicat voilà, pro-proxénétisme. Hein, voilà. Donc il faudrait qu'ils m'expliquent, en fait, quelle est leur position sur les droits humains. C'est-à-dire que les femmes les plus précaires et qui ont migré, qui sont déjà des fois violées en traversant les frontières, viennent ici pour être à nouveau violées à la chaîne. Et c'est ça, les droits humains, quoi. Donc voilà, donc c'est vrai que voilà, on a donné des exemples un peu différents à chaque fois, mais le fait vraiment d'à chaque fois pour une raison ou pour une autre, hein, on est passé de la porno-prostitution à là où je disais voilà, quand on accuse des journalistes ou quand on accuse aussi d'ailleurs des comédiens et ça, c'est toujours non, bah, ils font du super travail, ce n'est pas possible, il y a une machination, les femmes sont menteuses, etc., etc. Il y a 2%, je le dis, hein, il y a des femmes qui mentent entre guillemets si on peut appeler donc ça, c'est 2%, c'est 1 à 2%. Alors, bah moi, je encore une fois, je pense aux 98%. Oui, et puis c'est étrange, et on s'est focalisé sur les 2% et d'oublier c'est les 98% ça, toujours. Comme par hasard. Toujours. On oublie que du coup, s'il y a 2% de mecs, du coup, je ne sais même pas combien, qui sont faussement accusés, bon, bah, y en a quand même 99 autres, voilà. Et en France... Il y a moins d'1% de condamnation. C'est ça, 1% de condamnation. Pour les enfants, encore pire pour la pédocriminalité. Donc, la pédocriminalité, je crois que c'est 0,4%. Ah, c'est un chiffre horrible, en fait, c'est... De pédophilie. Non, non, c'est. Donc, il ne faut pas avoir peur d'évoquer, de mettre en avant la responsabilité de certains médias, de certaines ONG, de certaines associations. Surtout quand ce sont des médias, des ONG, des SASO, etc., qui revendiquent. Voilà, le respect des droits humains, de la dignité, de la justice sociale, de la liberté, qui se revendiquent féministes ou pro-féministes, enfin quand même. Bon, moi je pense que comme partout dans les assos, même quand il y a des femmes en poste, on choisit toujours les femmes qui caressent le patriarcat dans le sens de la violence, et de la, voilà, et qu'on choisit le féminisme, entre guillemets, qui colle à la possibilité de continuer à être un... À être quoi ? À être un agresseur en toute bonne conscience. C'est ça. C'est ça. Voilà. du coup... C'est un peu parti dans tous les sens, mais y a, je pense que les messages sont là. Non, non, moi aussi je pense qu'on a fait le tour concernant le porno et la prostitution. Oui. On va s'écouter, on va faire une pause musicale pour qu'on puisse reprendre notre souffle. Enfin, ça tu marche. Vas reprendre ton souffle. Ok. Puis on revient tout à l'heure. Ses mains contrôlent bien mon corps et le rythme du soir nous perce dans le noir. Et le son s'éteint doucement alors que je ne vois plus danser le temps. La chaleur de nos étreintes devient suffocante, j'en viens à me plaindre. Et tes mouvements saccadés raidissent mon cœur qui tente de feindre. Et j'ai voulu crier, m'emporter car je souffre quand tu es en moi. Mais le doute se forme en prison car je suis censé t'aimer. Mais ce que je sais, c'est que je veux rentrer. Et ce que je sais, c'est que je veux rentrer. Et mon ventre devient la piste d'une danse butoir, de perte motrice. Quand il me demande pardon, dans son étreinte je reprends tous les risques. La chaleur de notre violence, cette douleur intense qui toujours persiste. Et je garde notre secret qui ronge mon âme, qui nourrit mes vices. Et j'ai voulu crier, m'emporter car je souffre quand tu es en moi. Je souffre quand tu es en moi. Mais le doute se forme en prison car je suis censé t'aimer. Mais ce que je sais, c'est que je veux rentrer. Mais ce que je sais, c'est que je veux rentrer. Mais ce que je sais, c'est que je veux rentrer. Un peu l'émission, voilà. sur la thématique des convergences qui sont, on va dire, des possibilités de convergence, mais pas de converger avec tout le monde. La convergence des luttes. Oui, et c'est exactement ça, c'est la convergence des luttes, mais à quel prix ? Bah, la convergence des luttes, ça rejoint ce que j'ai dit précédemment, puisque... elle est censée justement exister, notamment lorsqu'on parle de lutte anticapitaliste, de lutte antiraciste, de lutte antisexiste, etc. Mais je ne vais pas me répéter puisque tout ce qui a été dit tout à l'heure démontre malheureusement qu'il n'existe aucune convergence des luttes. Moi, c'est ce que j'ai envie de dire. Et que c'est bien le problème. Ou du moins, pour me répéter un peu, c'est que même les personnes qui sont dans une lutte en particulier, c'est quand ça les arrange. Et en général, c'est quand ça arrange le patriarcat. Donc, on a beau... Enfin, on retombe toujours sur les mêmes pattes, en fait, là. En fait, à chaque fois qu'on dit les choses, voilà, c'est voilà, c'est... il y a une domination claire et nette d'une classe sur une autre. Il y a ces dominations sont bien présentes. Et voilà, il ne faut pas avoir peur de dire que les personnes censées lutter contre ces dominations, c'est vraiment quand ça les arrange. Donc, la domination d'une classe sur une autre, non. Les gens qui luttent contre la domination classiste, ben, il y a un moment, ben, voilà, on les voit pas, on les entend pas. Quand il y a la lutte anti-sexiste, ben, y a encore un moment où voilà, ben non, on ferme les yeux, etc. La lutte anti-capitaliste, pareil, quand ça nous arrange. Donc on est contre la marchandisation de ci, de ça, etc. Et puis ben non, finalement, la marchandisation du corps des femmes, ou louer les ventres des femmes, etc. Ben finalement, voilà. Et puis il y a beaucoup d'hommes anti-capitalistes. Prostitueur, hein, donc je veux dire, c'est dramatique, comme les alliés du féminisme, voilà, qui sont censés être pro-féministes et qui sont des agresseurs, harceleurs, violeurs. Voilà, donc convergence des luttes, oui, mais existe-t-elle réellement? C'est un mouvement qui est pour moi un mouvement de fausse convergence, c'est-à-dire qu'en fait la seule parole qui est possible, c'est la parole des femmes qui finalement disent que leur la domination masculine est une émancipation. Là, que ce soit voilà, certains, enfin, on comprendra tout de suite de quoi je parle, et là c'est que ces gens-là effectivement sont mis en avant dans les mouvements engagés. Et on parle de convergence, mais par contre on muselle les femmes qui sont contre le voilement, qui sont apostates, qui luttent en Iran contre un régime ségrégationniste. On muselle les femmes qui sont des femmes qui ont été victimes de la traite humaine, de la prostitution. On les menace, on les fait peur, on les insulte. Où est la convergence, quoi? C'est ça, tout à fait. Et c'est le problème aussi de certaines personnes qui sont dans la lutte antiraciste et qui finalement, dans leurs revendications, dans leurs attitudes, dans leurs actions, ont des... Enfin, c'est raciste en fait. Et en tout cas, xénophobe aussi, voilà. Donc c'est très compliqué, c'est très complexe. C'est contradictoire, en fait, c'est plus ça. C'est complètement contradictoire, il y a des vraies inversions, c'est-à-dire que le patriarcat... qui vient d'ailleurs serait plus du patriarcat. Sous couvert de relativisme culturel, de tradition. Sous couvert de liberté sexuelle, le viol, quand il est tarifé, n'est plus du viol, etc. etc. Alors, tout en ignorant l'âge d'entrée dans la prostitution qui est très ancien, donc c'est de la pédocriminalité en plus. Enfin, tout est tout le temps comme ça. Et on fait taire toutes les voix qui dérangent, en fait. Et ce qui est le plus reconnu, le plus plébiscité, et effectivement. Tout le monde se donne une extrême bonne conscience. C'est comme si un peu, parce que tu sais que voilà, tu es touché aussi par le sujet du véganisme, c'est un peu comme si on parlait d'exploitation animale éthique, en fait. Il y aurait une exploitation animale éthique. Et ces mêmes gens qui sont souvent anti, parce qu'on trouve dans les milieux antispécistes aussi ce problème, des gens qui sont antispécistes mais qui vont trouver... voilà, qui vont parler de travail du sexe alors qu'il s'agit de pouvoir économique et de domination. Et c'est, tout est comme ça. Donc comment tu veux converger dans un monde qui n'a plus aucun sens, en fait? Et il y a une autre chose, par exemple, bah voilà, ça je le dis en tant que féministe radicale, etc. Lorsque nous sommes des femmes et lorsque nous luttons contre le système patriarcal, la domination masculine, les violences sexistes, etc. Nous avons toutes les mêmes luttes et les mêmes, voilà, c'est une cause commune. Mais lorsqu'on entend, pour revenir sur la convergence des luttes, on entend à juste titre, au demeurant, qu'une femme, si en plus elle est en situation de handicap, si en plus elle est lesbienne, si en plus elle est noire, etc., elle subit plus de... elle subit plusieurs discriminations. Ce qui est tout à fait vrai et tout à fait juste. Mais ce que je pourrais reprocher à certaines, c'est que de dire... d'avoir un discours dangereux que je vais caricaturer un peu, et encore, hein, je te jure, je vais à peine caricaturer, c'est de dire, bah donc finalement, il y a des femmes plus victimes que d'autres. De patriarcat et tout. Non, non. Et ça, on l'entend, et moi, je l'ai entendu, pas une fois, pas deux, de dire, mais tu sais qu'une femme pauvre, qui est violée ou qui est victime de son conjoint violent, ou quelle que soit la forme de violence, elle est plus victime. Et qui est dans son. Je l'ai entendu surtout aussi au Maroc, parce qu'au Maroc, en plus, il y a les bidonvilles, etc. C'est quand même voilà, un pays en voie de développement et tout. Bah, elle est plus victime qu'une bourgeoise, mais on l'entend partout, hein, parce qu'on l'entend ici aussi, qu'une femme blanche bourgeoise victime de son mari violent dans sa villa avec piscine. Ah bon? Parce que le fait d'avoir de l'argent et d'être dans un cadre, dans des murs, et peut-être qu'elle soit même avocate, etc., elle est moins victime. Ça voudrait dire qu'en fait. Donc, ça, parfois, pour moi, c'est le danger. Et puis, ça voudrait dire qu'un féminicide, c'est-à-dire que tuer une femme d'une classe sociale favorisée, ce serait un féminicide de moindre importance. Il y aurait des féminicides importants, des féminicides pas importants. Ça, c'est dangereux et c'est un discours qu'on entend parfois. Ça va au-delà, ça va sur la place de la République, il y avait marqué féminisme blanc égale problème. C'est pas le féminisme blanc qui égale un problème. De toute façon, qu'est-ce que ça veut dire le féminisme blanc? Il n'y a pas de couleur pour lutter pour les droits qui sont des droits fondamentaux et auxquels toutes les femmes devraient pouvoir avoir accès. C'est ça, le danger, je le dis souvent, c'est pour ça que quand on dit que Mali est un mouvement universaliste et que souvent, voilà, c'est pas très universaliste et laïque, ça va ensemble et que c'est pas très varié, c'est que les gens se rendent pas compte, et je rebondis sur ce que je disais tout à l'heure, sur le sous-couvert de lutte antiraciste et finalement ça devient raciste et néocolonial, donc tu es en train de lutter sur tout ce qui est de colonialisme, etc. Voilà, donc c'est censé être un mouvement décolonial, antiraciste, et finalement dans ton discours, c'est hyper néocolonialiste et raciste, c'est faire cette dichotomie entre les pays du Nord et les pays du Sud. Moi, ça me choque. Pourquoi les femmes devraient avoir plus de droits dans les pays du Nord, France, Allemagne, Suède, etc. Et dans les pays du Sud, ben non, ben machin. Quand on entend dire, et ça m'est arrivé hier sur Instagram, alors que nous sommes un mouvement de personnes concernées, que dans le mouvement Mali, il y a des femmes musulmanes, que dans le mouvement Mali, il y a des femmes qui ont porté le voile, etc. Donc on sait vraiment de quoi on parle, et que des gens disent, oui, mais quand même, ça fait un peu féminisme blanc, donc voilà, et voilà, féminisme occidental, et donc, etc. Mais c'est insultant. Ça veut dire que les femmes dans les pays, entre guillemets, arabo-musulmans, comme on dit, ou les pays africains, etc., les pays du Sud, elles ne peuvent pas s'émanciper. En fait, dès qu'elles veulent s'émanciper, dès qu'elles ont des revendications, vous leur collez tout de suite l'étiquette que forcément elles sont influencées par l'Occident, forcément. Mais c'est insultant et raciste. Est-ce que ça voudrait dire que ces femmes-là, elles ne peuvent pas tout seules? On l'entend quand les femmes veulent enlever leur voile, et je le dis, parce que les femmes qui. Les personnes et les femmes, parce que hier c'était beaucoup de femmes sur les réseaux sociaux, notamment Instagram, qui se sont mises à nous attaquer, etc., sur ces questions-là, ben non. On entend souvent dire, bah, la femme qui a enlevé son voile, bah, c'est qu'elle a été influencée certainement par l'Occident, etc., etc., par des mœurs occidentales et des valeurs qui ne sont pas les siennes. Ah bon? Donc c'est insultant, c'est dénigrant, c'est masculiniste au possible. Cette femme-là, elle ne peut pas, elle toute seule, avec son libre arbitre, sa conscience, son intelligence, se dire, bah non, mais j'ai fait le choix d'enlever. Et je donne l'exemple de Manal, la chanteuse de Voice, qui a reçu exactement les mêmes insultes, puisque quand elle a décidé seule de retirer son voile, on lui a dit ça, elle a été attaquée, cyberharcelée, etc. Et ces mêmes mouvements, en plus, ne citent jamais des gens comme Nasrin Sotoudeh, qui fait quand même de la prison, qui est une avocate et qui a fait plusieurs grèves de la faim et qui défend des mouvements en Iran qui sont des mouvements extraordinaires de courage, en sachant que depuis 40 ans, ces femmes-là vivent une ségrégation, un régime hyper violent, quoi. Et qu'elles ont lutté avant que ce régime arrive au pouvoir pour certaines d'entre elles, pour ne pas porter... l'hijab qui est un outil politique, c'est un outil d'oppression des femmes, c'est sexiste par définition, déjà. Et qui n'est pas on ne peut pas dire le contraire, ça concerne un seul sexe. Il y a tout ce que cela signifie et ce que ça implique quand il est imposé dans un pays, ce n'est pas un hasard quand il est imposé dans un pays, qu'il y a tout un tas de lois liberticides qui accompagnent ce vêtement. Ce n'est pas le hasard, ça ne tombe pas comme ça de nulle part. Et du coup, bah, on a terminé notre émission. Eh ben merci, c'était cool, c'était voilà, on a parlé tranquillement. voilà, sans ouais, je sais pas, je trouvais ça agréable de pouvoir discuter, voilà. Oui, sans être censuré, sans être menacé, sans être insulté. Et voilà, et puis bon, bah donc du coup, bon, moi je pouvais pas tout dire sur le mouvement Mali parce que 11 ans d'existence et qu'on a fait beaucoup, beaucoup de choses, mais vous pouvez retrouver les activités du mouvement sur la page Facebook, sur le Twitter ou sur le Instagram, donc Mali, M-A-L-I. Juste pour précision, Mali c'est un mot qui a un sens en fait en arabe, puisque ça veut dire Mali, ben, plusieurs sens, ça peut vouloir dire. Qu'ai-je de différent, ou alors, et alors, ça peut dire, voilà, et alors, et voilà, c'est justement pour dire oui, je pense différemment, ou je suis différent, je suis différente, et alors, et qu'est-ce que, voilà. Donc, Mali, M-A-L-I, mouvement alternatif pour les libertés individuelles, que vous pouvez retrouver sur Facebook, Instagram et Twitter, bien que Twitter y ait moins de visibilité. Et donc voilà, donc vous aurez toutes les informations et les campagnes et les actions que nous menons. Et puis bah vous pouvez retrouver Cap, pas sur Twitter parce qu'on a été encore une fois le compte a encore été signalé. Donc Cap, CAPP, collectif abolition porno prostitution sur Instagram et sur Facebook. Rejoignez-nous et soutenez-nous et merci et à bientôt peut-être. Ah.